Stephen King aime les posters de vieilles actrices hollywoodiennes, Stephen King aime la grande évasion, Stephen King a écrit Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, et Frank Darabont l'a adapté. À tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock après une assez longue pause. Bonjour Chris. Salut. Bon, je m'excuse, hein, c'est pour raisons professionnelles, beaucoup de choses à faire. Là, ça devrait aller mieux vu que je n'ai plus de boulot. Voilà. C'est vrai. Effectivement, ça devrait aller mieux. C'est une bonne raison pour l'instant. Donc, bon, on va faire un petit point déjà sur les actualités King, adaptations qui ont pu se passer ces derniers temps. Donc déjà, il y a un nouveau roman qui sort bientôt en anglais qui s'appelle Holly. Donc avec Holly Gibney en héroïne. Donc l'un des personnages qui est apparu dès le premier de la saga Hodge, donc dès Monsieur Mercedes. Ouais, c'est ça, donc elle est dans les trois, elle est aussi dans ses carnets noirs, le titre du deuxième, et le troisième, Fin de ronde. Et elle est réapparue, cette fois-ci vraiment en héroïne, dans L'Outsider et dans Si ça saigne, la nouvelle qui a donné son titre au recueil d'histoires qui est sorti il y a quelques années. Voilà, et tous ceux-là sont déjà sortis chez nous. Outsider, je crois, est même déjà sorti en poche. Bah, même Si ça saigne, d'ailleurs. Si ça saigne, il est en poche, maintenant. Il me semble que ça y est, il est en poche, ou alors il devrait plus en tard. En même temps, oui, c'est possible, parce que c'était celui d'avant Conte de Fées, donc il a dû sortir en poche au moment où Conte de Fées est sorti en grand format, grosso modo. Voilà. Et depuis Conte de Fées, il y en a encore un autre qui est sorti, non ? Depuis Conte de Fées, je crois que chez nous, il y a peut-être qui est arrivé ou qui va arriver le troisième de Gwendy. Ah oui, mais c'est du tout petit format. 300 pages, oui, donc pour du King, c'est assez court. Ah non, je croyais que, parce que Gwendy, la boîte à boutons, c'est un... La boîte à boutons, il est vraiment court. Les deux suivants sont plus longs. D'accord. Le deuxième, c'est pas King qui l'a écrit. Enfin, il n'a pas participé du tout à l'écrire le deuxième, il est revenu sur le 3. D'accord. Parce que oui, le format de Gwendy, c'est comme Élévation, c'est vraiment du tout petit roman. Ouais, c'est ça, on est sur 120 pages maximum. C'est ça. Et donc là, oui, ce sera le sixième avec Holly, et a priori, il est déjà en train d'écrire le septième. En plus d'un recueil de nouvelles à venir, et il y a des rumeurs quand même de plus en plus solides autour d'un retour de l'univers de Territoire et du Talisman. Et le Talisman, voilà. Avec Peter Straub. Enfin, qu'il a écrit avec Peter Straub. Ouais, maintenant, ça va être compliqué, vu que... Peter Straub est hélas décédé, mais voilà. Ce serait, par contre... Il y aurait eu des échanges sur des idées avec Peter Straub quand même. D'accord. Donc ce serait sur une idée de King et Straub, mais écrit par King seul. Et le nouveau recueil de nouvelles, donc là, qui a été annoncé il y a peu, on sait si c'est des nouvelles récentes ou s'il y aura de la nouvelle un peu vieillotte dedans ? Alors, tout ce qu'il en a dit, c'est que ce sera des nouvelles plutôt longues pour la plupart. Il y en a deux dont on est sûr, c'est Rattlesnake, celle sur deux enfants qui tombent dans un trou avec des serpents, qui serait liée à Cujo, a priori. Et il y en a une qui s'appellerait The Dreamers, je crois, et qui serait liée à... Enfin, qui serait très Lovecraftienne, de ce qu'il en a dit. D'accord. Mais je crois que c'est les deux seuls dont on soit certain. D'accord. Mais a priori, ce sera un gros recueil. Hein. Ce qu'il a dit, c'est plus de 600 pages en VO. Donc, oui, mais après, si c'est des longues nouvelles, il n'y a peut-être potentiellement que 4 ou 5 dedans. Ouais. Quoi. Mais du coup, plus de 600 pages en VO, c'est un bon 800 pages en VF. Hein, déjà. Ça serait comme différentes saisons, ou si ça saigne, quoi. Ouais, niveau taille, je le vois même plutôt en minuit 2, minuit 4. Oui, d'accord. Peut-être un peu moins, quand même. Et au niveau des films, alors j'ai ajouté à la boîte récemment le Charlie de l'année dernière, parce que c'est bon, il est arrivé en support physique. Ouais. Les Démons du Maïs de 2020, celui de Kurt Weimer, parce qu'il est enfin disponible aussi en support physique. De 2020, quoi. Personne voulait sortir ce truc, j'ai l'impression. Le Croque-Mitaine, qui vient de sortir, c'est sur Netflix, je crois, le Croque-Mitaine. Non, il y a une sortie cinéma chez nous, il est sorti le 31 mai de cette année. Ben, c'est super pour lui. C'est comme Le Dernier Voyage des Déméter, c'est le truc, j'aurais jamais pensé que ça pouvait sortir au cinéma, mais c'est bien pour lui. C'est sorti au ciné. Je ne l'ai pas vu, du coup, je me réserve la surprise. Pareil. C'est surtout que j'ai pas envie de les voir deux fois, je me méfie. J'ai même pas lu la nouvelle, d'ailleurs, du Croque-Mitaine. Moi, si, mais il y a très longtemps. Et il y en a un quatrième que j'ai ajouté. Le téléphone de... Oui, le téléphone de Monsieur Harrigan. Ça, c'est sur Netflix. Ça, c'est sur Netflix, oui. Une nouvelle de Si ça saigne, du coup. C'est ça. Et il y a aussi La vie de Chuck, qui est en bon chemin, je crois, avec Mike Flanagan à la prod. Mais qui est en bon chemin. Notre très cher ami. Mm. Voilà, donc après toutes ces nouvelles, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le programme d'aujourd'hui. Oui. Qui est la nouvelle Rita Hayworth, c'est la rédemption de Shawshank, qui fait partie du recueil Différentes saisons, donc le premier recueil de nouvelles de King, enfin le premier recueil au format 4 histoires semi-longues en tout cas. Oui. Alors, longue nouvelle, chez d'autres, ouais, chez voilà. D'autres auteurs, on appellerait ça un roman, hein, Monsieur King. C'est ça, donc de... Bon, peut-être pas Rita Hayworth quand même, mais... À ah, part, elle fait quand même ses 150 pages. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être qu'Annie Ernaux et Marguerite Duras, elles appelleraient ça un roman, mais... Duras, elle a publié des romans de 10 pages. Elle compte pas. Donc, c'est de 1982, la sortie du recueil. Et l'adaptation s'appelle The Shawshank Redemption en VO, Les Évadés, en français, réalisé par Franck Darabont, sorti en 94, 95 en France, de 142 minutes. Mm. Et nous allons y aller tout de suite pour la nouvelle. Nous allons spoiler, comme d'habitude, là pour le coup, les deux sont quand même relativement proches. Oui. Donc, si vous avez lu ou vu un des deux, il n'y a pas de risque majeur de révélation grandiose. Voilà. Voilà. C'est parti. Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank nous raconte l'histoire de Andy Dufresne, qui est un banquier envoyé en prison pour un double meurtre qu'il n'a pas commis mais où tout semble l'accuser, celui de sa femme et de l'amant de sa femme. Il y est envoyé donc pour deux peines à perpétuité, ce qui est long. La nouvelle est narrée par Red, un de ses camarades de prison avec qui il devient ami et qui l'observe pendant tout son séjour. Et donc on voit Andy Dufresne se faire à la vie de prison, devenir en fait un peu le banquier de la prison parce qu'il est très très bon pour aider les gardes à frauder le fisc, hein, littéralement. C'est ça. Et son évasion à terme. Donc c'est la première fois qu'on parle de ce recueil, Différentes saisons, donc on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais à la publication du recueil, donc 82 en VO et 86 en France, c'était quand même réellement surprenant comme publication de la part de King Différentes saisons. Ouais. Parce que, bah, comme il le dit dans la postface, il avait publié que des trucs très orientés, fantastiques, horreur. Il y avait eu Carrie, il y avait eu Salem, il y avait eu Shining, Charlie. Charlie est un peu moins horreur, mais c'est quand même très, très thématiquement orienté. Oui. Et là, il publie un recueil où, sur 4 nouvelles, il y en a 3 qui n'ont pas d'éléments fantastiques et qui ne relèvent clairement pas de l'horrifique. Il n'y a que la dernière, la plus courte, qui est plus coutumière de ce que fait King. Pour citer les 4 nouvelles qu'il y a, il y a donc Rita Hayworth, il y a Un élève doué, une nouvelle sur le nazisme, on va dire, oui. Et le mal en général, aussi adapté en film. Il y a Le corps, adapté en film, c'est devenu Stand By Me, et la dernière, donc, qui est la moins connue, c'est La méthode respiratoire. Qui, elle, n'est pas adaptée. Qui, elle, n'est pas adaptée. Et a priori, justement, cette dernière nouvelle, elle aurait été ajoutée spécifiquement histoire d'avoir une nouvelle plus classique de King à la demande de l'éditeur. Après, King avait ça dans un coin de sa tête, donc il l'a fait vite fait, sans problème. Mais à la base, ça aurait été conçu comme que 3 nouvelles, les 3 non fantastiques. C'est des nouvelles qui ont été écrites avant la date de publication, mais qui n'avaient pas été publiées à d'autres endroits parce que c'est un format bâtard. Ça va pas pour les magazines habituels où King met ses nouvelles courtes parce que c'est quand même trop long, oui. Mais en même temps c'est pas publiable en indépendant, donc elles avaient pas été publiées avant. Selon King, Rita Hayworth, elle avait été écrite avant Dead Zone, donc ça fait 3 ans avant la publication du recueil. Après Dead Zone, pardon. Dans le livre The Art of Darkness, l'écriture serait située plutôt aux alentours, juste après la fin du premier jet du fléau. Donc ce serait encore plus tôt que ce qu'avait dit King. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est resté un petit temps dans des tiroirs avant d'être publié. D'accord. Comme souvent chez lui. Oui, comme souvent avec les nouvelles de ce format-là, en tout cas, ouais. Pour le petit point un peu culture, parce que bon, je pense que le plus grand monde sait qui c'est, hein, aujourd'hui, Rita Hayworth. Toi, tu voyais. Effectivement, oui, une actrice, mais oui, voilà, de là à vraiment connaître sa filmographie sur le bout des doigts, peut-être pas. Alors, je vais être honnête, parce que je suis pas calé sur le cinéma des années 30 et 40, et c'est voilà, la grande période de son activité, c'est une période du cinéma américain où j'aime quelques trucs en comédie, mais tous les grands films un peu épiques, un peu romances de cette époque, j'ai du mal à entrer dedans, voilà, c'est pas ma cam. Elle a vécu de 1918 à 1987, elle a commencé sa carrière dans les années 30, elle ralentit pas mal à partir de la fin des années 50 à cause d'une maladie d'Alzheimer précoce, et elle est en 87. Dans ses films que je connaissais, il y a La Dame de Shanghai de Orson Welles. Ouais. Son rôle emblématique, c'est Gilda de King Vidor, mais voilà, je sais ce que c'est. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est ses rôles les plus emblématiques, et honnêtement, je crois que j'avais quasiment rien vu dans sa filmo. Bah, mis à part La Dame de Shanghai. Je l'ai pas vu, moi, La Dame de Shanghai. Bah, moi, je l'ai vu, mais c'est un rythme d'époque, quoi. Mm. Ça baigne dans cette époque où tout était un peu longué à se mettre en place. Alors, c'est pas mauvais, hein, mais est-ce qu'on est, on est plus trop habitué à ce genre de film aujourd'hui? Bon, au-delà du rythme, sous le rythme, je peux m'y faire. C'est plus les thématiques de l'époque qui, oui, ensemble, me fascinaient pas. Et les types de personnages. J'ai du mal à me mettre dedans, personnellement. Ah, les personnages étaient très clichés à cette époque. Ouais, c'est ça, et c'est des clichés. On en a encore aujourd'hui, des clichés, hein, mais bah, oui, ils sont plus proches de nous, donc voilà. On s'y retrouve plus facilement, je pense. Et puis là, c'était beaucoup de personnages fonction, quoi. Ouais. Dans une interview avec Neil Gaiman, il y a une anecdote un peu rigolote, parce qu'une fois, il y a une petite vieille qui a abordé King dans un supermarché. Et qu'il avait reconnu et qui lui dit qu'elle avait beaucoup de respect pour ce qu'il écrivait, mais qu'elle lisait pas de romans d'horreur, parce que pour elle, bah, elle préférait les genres plus réalistes et nobles, un peu ce qu'on appelle la littérature blanche. Et elle cite comme exemple, par exemple, j'aime beaucoup The Shawshank Redemption, et elle a jamais voulu croire King quand il lui a dit que c'était lui aussi qui avait écrit ça. Voilà. Il aurait dû l'écrire sous le nom de Batman. Ça aurait été encore plus improbable sous le nom de Batman, les évadés, quand même. Il aurait fallu un troisième pseudo. Le premier tirage, la première édition de différentes saisons était de 200 000 exemplaires, a priori. King dit 140 000, mais sur une source que je pense plus fiable, c'est 200 000. Ce qui est beaucoup plus que la première édition de Danse Macabre, qui était de 12 000 exemplaires. Mmh. Hein. Et le livre publié juste avant, c'était Cujo, à 150 000 exemplaires. Donc on est encore dans la période où chaque tirage augmente nettement par rapport au précédent. Oui. Son statut de nouvelle fée qu'on ne la trouve pas si souvent dans les différents tops qui ont pu être faits autour de King, mais c'est plutôt parce qu'ils ne prennent pas en compte les recueils de nouvelles. Quand les recueils de nouvelles sont pris en compte, différentes saisons est très très bien placée dans les tops de King. Il fait régulièrement le top 10, et pour certains classements qui prennent spécifiquement en compte la séparation des quatre histoires, c'est la plus populaire du lot. Dans un classement Rolling Stones des 10 meilleures histoires de King, elle est à la 9e place. Probablement une idée. C'est une nouvelle que King apprécie beaucoup encore aujourd'hui, et c'est tout ce que j'ai à en dire. On va pouvoir passer à notre avis, et je te laisse commencer. Bah, effectivement, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, c'est une nouvelle, comme beaucoup d'œuvres de King que j'avais lues quand j'étais bien plus jeune, quand j'étais plutôt adolescent. Donc une nouvelle relecture ne m'a pas fait de mal. C'est très chouette, les personnages sont bien caractérisés, avec un personnage central qui tient lieu de narrateur un peu omniscient, qui nous raconte tout le parcours d'Andy, en fait, à partir du moment où il arrive à Shawshank. Personnage de Red qui est, on reviendra sur l'adaptation, mais qui lui, dans la nouvelle, est, pour moi en tout cas, vraiment le protagoniste principal. Andy, c'est vraiment, entre guillemets, l'élément perturbateur qui arrive à Shawshank et qui bouscule un petit peu tout le rythme de vie de cette petite prison. Et c'est ça qui est très plaisant aussi à voir, c'est de voir tous ces personnages installés dans leur routine, qui se retrouvent chamboulés par ce mec-là, qui a des idées derrière la tête, qui a des envies, qui essaye de faire des choses, et qui va même jusqu'à changer carrément un petit peu des fois la personnalité de certains d'entre eux. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, qui se lit sans aucune difficulté du début à la fin. Je suis globalement d'accord, j'aime bien cette construction, parce que puisque Red est le narrateur, en effet il va avoir un côté omniscient, mais il le rappelle plusieurs fois. En fait, c'est parce qu'il a des informations qu'il a récoltées au fil des années, des informations des fois direct de la part d'Andy, mais beaucoup de trucs de seconde main, de troisième main, de quatrième main, etc. etc. Et c'est vrai qu'il passe son temps à le répéter. « Ah, attention, j'étais pas là, c'est un tel qui m'a dit, c'est ce que j'ai entendu dire. » Voilà, et où il a essayé de reconstituer les événements, notamment tout ce qui concerne l'évasion en elle-même d'Andy. Il est quand même plutôt dans la supposition, et il le dit bien. Oui. Mais effectivement, c'est intéressant de voir, il est déjà en prison depuis 10 ans, je crois. Depuis 10 ans à l'ouverture du roman, oui. Quand la nouvelle commence, quand Andy arrive. Parce qu'il sort justement de... je ne sais pas comment ça s'appelle, quand tu repasses devant une espèce de commission, en fait, ouais. Qui va juger si tu es apte à retrouver ta liberté. Il vient de passer devant et il dit, il me semble que c'est une dizaine d'années au tout début. Lui, il est parti pour être là absolument toute sa vie, hein, parce qu'il est condamné à triple perpétuité à Red. Oui. Ce qui, encore une fois, fait beaucoup. Hein. Et donc, il est déjà bien installé dans la prison, tel qu'il le dit. Il est celui qui peut tout avoir, en fait. Il est le gars qui a des contacts à l'extérieur et donc qui gère le marché noir de la prison, en quelque sorte. S'il y a quelque chose à faire rentrer qui peut pas arriver par les visites, ça passe par Red. C'est une place qui lui garantit une certaine protection. Hein. Il me semble qu'il le dit à certains moments de la nouvelle. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, il arrose tout le monde, il arrose les gardes. Les détenus, il y en a plein qui dépendent de lui, donc ils vont pas trop le faire chier, ça lui garantit des gens autour. Donc oui, c'est une protection pour lui, clairement. Andy, effectivement, va arriver et va pas être du tout... Enfin, va être très inattendu. C'est dit au départ, en fait, bah Red, justement, les prisonniers prennent des paris sur qui va être le premier à craquer la première nuit. Et Red place son pari sur Andy. Et c'est pas le cas, et Andy tient le coup, il ravale tout malgré les trucs horribles qu'il va vivre au début, avec les gardes très violents, avec les viols en prison, une mathématique est présente. Et malgré tout, il va tenir le coup, et tel que le résume Red, c'est un peu comme s'il est jamais emprisonné dans sa tête, comme s'il est toujours convaincu de sa liberté, comme s'il est toujours convaincu de son innocence, et il va essayer de faire en sorte de vivre dans la prison presque comme s'il était au dehors. Et c'est pour ça qu'il va se mettre bien avec les gardes en reprenant son travail de banquier pour les aider à faire de la fraude, pour les avoir dans sa poche, et qu'il va développer son projet le plus important, ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est la bibliothèque, en fait, dans la prison. Oui, clairement. C'est-à-dire, c'est une bibliothèque minable au début, avec des vieux magazines, 2-3 pornos et 2-3 romans de gare, et il va la transformer en bibliothèque, avec cette idée que j'aime beaucoup, qui montre déjà l'entêtement d'Andy. En fait, sa technique pour obtenir ce qu'il veut, c'est juste de faire chier le monde, d'envoyer des courriers tellement régulièrement qu'au bout d'un moment, en face, ils en peuvent plus de les recevoir et qu'ils donnent l'argent juste pour qu'ils se taisent. Finalement, ils cèdent tous. C'est ça, c'est la technique d'un enfant qui demande quelque chose à ses parents. J'aime beaucoup, moi, cette sensation d'amitié, de camaraderie qui naît au sein du petit groupe de Red, Andy et d'autres personnages, parce qu'en fait, ils sont pas que à deux. Oui. Il y a d'autres détenus, alors même s'ils sont beaucoup plus secondaires, mais ils sont quand même là. Cette camaraderie, ça se sent sur des passages, par exemple le passage où ils recouvrent le toit, où ils repassent du goudron, il me semble, hein, sur le toit à la période de l'été pour prévoir l'hiver. Et justement, c'est le moment où ils commencent à passer des deals avec les matons, et surtout avec le maton en chef, et où ils dealent tu nous ramènes des bières, quoi, et puis on se pose tranquillement avec les poteaux. Sur le toit, c'est rigolo. Oui, la scène est belle en plus, je trouve. Bah oui, voilà, et une scène qui est très bien retranscrite dans le film, au passage. Et j'aime bien, en fait, ça, cette naissance de camaraderie, vraiment, qui se fait au fur et à mesure du roman. Et en fait, ça aide à vraiment ressentir ce que Red ressent envers Andy, et pourquoi, à la fin, clairement, il veut tout faire pour l'aider, et surtout, il a envie de le rejoindre. Quand Andy réussit à s'évader. Puisque forcément, Andy réussit à s'évader. C'est aussi un roman, clairement, une thématique très importante et bien retranscrite dans le film, c'est l'espoir. Oui. Parce que, à part une période, et Red le répète clairement, à part une période, en fait, dont on va parler, Andy ne perd jamais espoir, justement. Oui. Et il va un peu le redonner aux autres. Il y a cette thématique des prisonniers qui sont institutionnalisés, comme le dit Red, c'est-à-dire des prisonniers qui sont là depuis tellement et tellement d'années qu'ils peuvent plus, en fait, se réhabituer au monde extérieur. Oui. Parce que déjà, leur jeunesse, elle s'est envolée, ils ressortent, ils ont 3 sous en poche, un vieil emploi pourri dans un supermarché. Et donc déjà, ils sont dans une situation pas top. Et surtout, après des années en prison, ils étaient dans une vie où dès qu'il devait aller aux toilettes, il devait attendre les horaires et demander. Ils mangeaient toujours à la même heure, ils étaient toujours sous le regard des gens. Donc, ils n'arrivent plus à se faire une vie extérieure qui va beaucoup plus vite, qui a évolué forcément en 30 ans. On est dans, en plus, on est dans une période quand même d'évolution technologique majeure. Il y a une très jolie scène sur tout ça où tu as l'un des prisonniers du coup qui obtient sa libération. Ouais. Alors, dans le film. Elle y est, cette. La lettre est envoyée, il me semble, dans la nouvelle. Un peu, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus elliptique. Oui, parce que justement, dans le film, Red a vraiment ce côté omniscient, tellement omniscient que nous-mêmes, spectateurs, on voit ce qu'il nous raconte. Ouais. Mais il reçoit quand même la lettre dans la nouvelle avec celui qui est à l'extérieur qui lui dit « Ah, le monde a changé, avant personne n'avait de bagnole, maintenant il y en a partout. » Ouais. Voilà. Mais donc il y a cette peur qu'ils installent chez les prisonniers et qui installe une sorte d'état de... d'indifférence à tout, en fait. Ils veulent même plus vraiment sortir, ils font autre truc bien transcrit dans le film, ils font leur commission d'appel, un peu comme on va en rendez-vous chez le dentiste, quoi. Oui, voilà. Ils s'en foutent, en vrai. Parce qu'ils veulent plus vraiment sortir, et Andy va bouleverser ça en ne perdant jamais espoir, en parlant à un moment de Zihuatanejo, l'endroit où il veut aller... quand il retrouvera sa liberté. Au Mexique. Il ne cède jamais de mettre l'argent de côté. Il le dit à Andy, à un moment, il les a, ces magouilles. Hein. C'est Andy, à partir du moment où il a compris qu'il allait plonger, tel qu'il le dit, bon, il s'est permis de ne plus être dans l'honnêteté totale et il a mis de l'argent de côté. Donc ça, c'est intéressant. C'est un espoir qui, en même temps, rend Andy fragile, parce qu'il y a cette thématique du fait que tout... En fait, il y a une clé qui est cachée dans un champ au milieu de nulle part. Et donc il y a une grosse crainte d'Andy qui est que l'industrialisation avance et donc on construise quelque chose sur ce champ au bout d'un moment. Et que donc ils perdent tout d'un coup comme ça à cause d'une histoire bête. Donc ça c'est intéressant aussi, je trouve, la crainte que ça installe. Oui, tout à fait. Et finalement, oui, la fin de la nouvelle, les derniers mots, c'est littéralement « j'espère ». Enfin, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais en anglais c'est « I hope ». C'est ça. C'est Red, du coup, qui les prononce dans le sens où j'espère que Andy est bien là. Oui, il me l'a dit, parce que il s'apprête à le rejoindre, quoi. Ouais. On peut lire les dernières lignes. J'espère qu'Andy est là-bas. J'espère que j'arriverai à passer la frontière. J'espère que je reverrai mon ami pour lui serrer la main. J'espère que le Pacifique est aussi bleu que dans mes rêves. J'espère. Ouais, parce que du coup, Andy, lui, s'est évadé. Mais Red, lui, est sorti légalement, puisqu'il a obtenu libération au bout de 30 ans de prison. Sauf que... dans... plus de 40 ans même. Ah, plus de 40. Plus parce de 40 il, entre ans, dans les... il entre en 38, il est là 10 ans avant lui et il est libéré après lui, donc vers 78. Mais sauf que même s'il est libéré, normalement, il a ordre de rester dans le pays, il peut pas partir. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il espère pouvoir passer la frontière. Parce que même ça, c'est pas sûr. Mais, comme tu l'as dit, l'espoir étant omniprésent dans la nouvelle, c'est pas pour rien que ça se termine par « j'espère ». C'est pour le coup une des très très belles fins de King. Oui. C'est le seul moment à vivre, on va parler de ça avant de parler de son évasion, d'Andy, c'est quand il y a un nouveau prisonnier qui arrive et qui, racontant ses souvenirs d'autres prisons, parce que c'est un gars qui allait un peu partout, parle d'un mec qui était son compagnon de cellule avant et qui s'est vanté d'avoir tué un golfeur et une femme en faisant un cambriolage. Et de s'être rendu compte après que la femme, c'était pas l'épouse, c'était l'amante du golfeur, et que c'est le mari de la femme, un banquier, qui a été accusé à la place. Donc forcément, tout concorde, on pense que c'est Andy. Andy lui-même pense que c'est lui. Ouais, et ça paraît... ça paraît logique. Ouais. Pour le coup, je doute relativement peu que c'est la vérité. Mais comme le directeur de la prison a besoin d'Andy, et surtout a peut-être peur qu'Andy ait des trucs à dire sur la fraude fiscale s'il part... il va faire transférer le prisonnier dans une prison de sécurité minimale, ouais, très confortable, en échange de son silence. Et Andy, là, pour le coup, va vraiment avoir un moment de désespoir, parce qu'on lui dit, de toute façon, si tu continues pas à faire nos papiers, malgré tout, on te supprime tout, on supprime ta bibliothèque, on te fera vivre un enfer. Et c'est peut-être le seul moment où il a un espoir d'évasion facile, de sortie, et où tout retombe comme un soufflet. C'est ça. Et c'est un... C'est un passage qui, pour le coup, est drastiquement différent dans sa conclusion, dans le film. On y reviendra quand on abordera le film. Mais du coup, l'approche d'Arabon est tout aussi intéressante, finalement. Ouais, je trouve aussi. Et sinon, donc, comment est-ce qu'il s'évade, Andy? C'est quoi sa méthode? Ah bah, il a creusé avec un piolet qui normalement devrait mettre 600 ans. C'est ce qu'il raconte. En fait, il commande à Red, parce que donc Red, comme on l'a dit, est capable d'obtenir tout ce qu'il veut, en dehors de la prison, de le faire rentrer dans la prison. Un pic et un caillou, il me semble que c'est comme ça que l'appareil s'appelle, enfin que c'est traduit en tout cas, ouais. Qui est un espèce en fait, de petit marteau pour virer la terre autour des minéraux pour voir s'il s'agit de quartz, de calcaire ou de n'importe quel autre minéral. C'est un truc de géologue, en fait. Voilà, parce que Andy, j'allais dire, a cette passion. En tout cas, il dit qu'il a cette passion, parce qu'on n'est pas vraiment sûr que c'est une vraie passion. C'est peut-être juste un prétexte pour l'obtenir, tu vois ce que je veux dire. Mais donc, du coup, il utilise ce petit marteau pour creuser un trou dans sa cellule. Trou qu'il va cacher derrière un poster de... Rita Hayworth. Voilà, qu'il demandera également d'obtenir plus tard à Red. Au départ, hein, parce que du coup, le poster, forcément... La nouvelle, encore une fois, se passe sur 30 ans. Hein. Donc, 30. Ouais. Le poster va changer. Après, c'est Marilyn. En troisième, c'est Raquel Welch. Et je crois que dans la nouvelle, il en a un quatrième, mais je sais plus de qui. Ça termine pas par Marilyn, justement? Non, Marilyn, c'est avant Raquel Welch. Ah ouais? Niveau date, de toute façon. Oui. Enfin, voilà, il a différentes vedettes hollywoodiennes en poster. Alors, moi, j'imagine, parce qu'il le dit de manière pas claire, il dit à Red, ramène-moi, fais-moi rentrer Rita Hayworth. J'imagine, c'est Red qui a vraiment pas compris, mais qui est plein de bonne volonté, qui ramène la nana droguée, qui la balance dans un sac dans la cellule d'Andy. Ah non, il l'a fait rentrer via un gâteau. Façon ce film là avec Steven Seagal et Tommy Lee Jones, comment il s'appelle? C'est Piège en haute mer. Piège en haute mer. C'était nul. Oui, bah écoute, on a une référence qu'on mérite. C'est pas dans. Bon, c'est un cliché hein, là. Ouais, le truc dans le gâteau. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est cliché, mais c'était le film qui me venait en tête, désolé. Je crois que dans un des tout premiers de Alex de Iglesias, comment il s'appelle son premier. C'est pas le jour de la bête, son premier? Alors, son deuxième, dans ce cas-là. Enfin, il y en a un où il y a des mitrailleurs qui sortent d'un gâteau, comme ça. Oui, le titre m'est sorti de la tête. Non, t'as raison. Le jour de la bête, c'est peut-être son second. Oh, bref. Je sais plus dans quel ordre sont les deux premiers. De la Iglesia. Donc, ouais, technique d'évasion compliquée. Pour ceux, ça prend des années et des années quand même pour creuser, même si le mur est pour eux. Oui. Il débouche sur un tuyau d'évacuation, donc un tuyau de merde, hein, pour pouvoir partir. Donc ouais, une évasion très laborieuse. J'aime beaucoup cette scène où Red est pris d'un fou rire quand il découvre l'évasion et qu'ils envoient un garde dedans et que le garde se met à se rendre compte qu'il est dans un tuyau d'évacuation et à vomir partout. Je trouve cette scène très drôle dans le soulagement qu'elle apporte. Ah oui. Mais donc ouais, c'est une nouvelle vraiment très bien écrite, je trouve. Oui. Comme tu dis, c'est plus Red le héros, parce que c'est ses pensées qu'on va avoir, c'est sa manière de reconstituer les événements, son rapport à Andy, qui est toujours vu de manière secondaire, en fait. Oui, clairement. Toujours vu de loin. Il y a un côté un peu Sherlock Holmes et Watson, mais comme si Sherlock était vraiment loin de Watson. Oui, voilà. Oui, c'est bien trouvé comme analogie, c'est vraiment ça. Bon, tout un message évidemment sur le système judiciaire et sur la réhabilitation, sur la violence de ce système-là à l'époque et encore aujourd'hui. Oui, bien entendu. Le fait qu'en sortant de là-dedans, t'es pas réhabilité en fait, t'es pas en état de te refondre dans la société. T'es encore plus cassé psychologiquement qu'à l'entrée, donc. C'est ça, c'est un système de merde. Voilà. Fermer les prisons. Voilà. C'est encore vrai aujourd'hui. Et donc, je propose qu'on entre, qu'on passe au film dans ce cas-là. Oui, bah allons-y. C'est parti. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les faits. Et je soutiens qu'il ne s'agit pas d'un inévitable crime passionnel. Je vous ferai remarquer qu'un revolver contient 6 balles et non 8. Ça veut dire qu'il a vidé entièrement son arme et s'est arrêté pour la recharger. Par les pouvoirs que me confère l'état du Maine, je vous condamne à la prison à perpétuité deux fois. Une pour chaque victime. Exécution. Ils vous enferment ici pour la vie. C'est justement ce qu'ils vous prennent. Je crois en deux choses. La discipline et la Bible. Ici, vous aurez les deux. Andy arriva à la prison de Shawshank en 1947. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, si tu veux le savoir. Ouais, comme tout le monde ici. Je dois dire que la première fois que j'ai vu Andy, il ne m'a pas impressionné. Il avait un côté tranquille. Une démarche et une façon de parler pas très normale pour l'endroit. Vous savez, il y a des endroits dans le monde qui ne sont pas faits de pierre. Il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent pas atteindre. De quoi tu parles? L'espoir. Laisse-moi te dire un truc, mon vieux. L'espoir, c'est très dangereux. Merde, du fan, tu me fous en retard! L'espoir, ça peut rendre dingue. T'as intérêt à être malade ou mort, et je te jure que je rigole pas! Il faut te faire à cette idée. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Je crois que tout se résume en un simple choix. Dépêche-toi de vivre, ou dépêche-toi de mourir. Darabont avait acheté les droits de la nouvelle en 1987. King les lui avait cédés en fait avec confiance, alors que Darabont à l'époque c'était relativement à l'inconnu. Il avait fait des scénarios, mais aucune réalisation. Oui, c'est son premier film. Ouais. Il avait déjà réalisé du téléfilm et de l'épisode de série télé, il me semble. C'est ça, et un court-métrage qui s'appelait The Woman in the Room, et qui est une adaptation de Chambre 312 de King, qui était passée par le système des Dollar Baby. D'accord. Et King l'avait vu, l'avait vraiment aimé. Et c'est pour ça qu'il avait dit, avec confiance, qu'il confiait les droits des évadés à Darabont. D'accord. Enfin, de Rita Hayworth à Darabont. Une fois qu'il peut se pencher dessus, après avoir terminé plusieurs scénarios par-ci par-là pour manger, hein, il faut bien, Darabont écrit le script assez rapidement, en 8 semaines, pour un film assez long quand même. Donc c'est pas mal. Et il présente le film à une société qui n'est pas très vieille, qui s'appelle Castle Rock Entertainment, qui est le studio fondé par Rob Reiner suite au succès de Stand By Me. Oui. Donc évidemment, oui, bah, je suis assez d'accord, t'écris un truc adapté de King et de différentes saisons, ça me paraît un peu prédestiné d'aller d'abord vers eux. Oui, et c'est le seul studio apparemment qu'il a contacté. Au départ, Rob Reiner se dit, propose à Darabont de lui acheter le script et de réaliser le film lui-même. Rob Reiner se dit, je vais le réaliser moi. Darabont hésite et finalement décide de demander la réalisation, ce que Rob Reiner et les producteurs lui garantissent pas trop difficilement. De ce que dit Darabont, il a eu des bonnes relations avec Castle Rock. Il y a pas mal de rôles qui sont envisagés, enfin pas mal d'acteurs qui sont envisagés dans les rôles principaux. Rob Reiner, lui, il aurait vu Tom Cruise dans le rôle d'Andy et Harrison Ford dans celui de Red. Ça aurait pu coller aussi, hein, mine de rien. Oui, c'est ça. Et dans le rôle d'Andy, il y a une grosse valse des acteurs. Alors, il y en a pas mal qui sont juste évoqués. Enfin, la plupart sont juste évoqués, en fait. Et soit ne sont pas contactés, soit ne peuvent de toute façon pas. Donc, voilà. Il y a Tom Hanks, mais qui était pris sur Forrest Gump, qui sort la même année. Bon, il a pas perdu au change, hein, quand même. Oui, et puis Darabont le récupérera quelques années après. Oui, aussi. Du coup. Tom Cruise, donc, mais qui trouve Darabont trop inexpérimenté, donc qui veut pas se lancer là-dedans. Mm-hmm. Nicolas Cage. Ah tiens. Que moi j'aurais assez bien vu aussi. Ouais. Plus improbable pour le coup, Clint Eastwood, que je trouve vieux déjà à l'époque pour le rôle. Pour le rôle d'Andy ? Ouais. Ah oui, non, trop vieux. En Red, d'accord. En Red, oui, mais pas en Andy. Mais de toute façon, Eastwood, c'était l'époque où il commençait à plus tellement jouer en dehors de ses réalisations. Oui. C'est la période impitoyable et un monde parfait, hein, les années où sortent les évadés, donc il est sur ses meilleures années. Oui, je trouve, Eastwood. Oui. C'est deux films qui sont vraiment ouf. Donc pareil, je comprends que de toute façon, il ne soit pas intéressé à ça. Et finalement, la performance de Tim Robbins qui va décider Darabont à le contacter et à le prendre, c'est L'échelle de Jacob, sorti en 90, je crois. Un grand, grand film. Qui est un immense film d'Adrian Lyne sur les PTSD, en fait, sur les troubles liés aux soldats revenant de la guerre du Vietnam, précisément. Et c'est vraiment un très grand film de genre, pour le coup. Un grand film horreur psychologique. Qui met mal à l'aise, pour le coup. Oui, clairement. Il m'a mis mal à l'aise quand je l'ai vu, parce que on comprend pas, en fait, exactement quel est le problème pendant très longtemps. Oui, bah c'est à la fin, c'est vraiment la toute fin, la révélation. Ouais, et donc il marche très très bien. C'est un film qui a tellement inspiré aussi énormément d'auteurs dans énormément de médias différents. Ouais. C'est Rien que par exemple en jeu vidéo, Silent Hill ne serait pas Silent Hill sans l'échelle de Jacob. En dehors de ça, je connais pas si bien que ça la carrière de Tim Robbins. Il a un rôle, enfin un de ses rôles emblématiques, c'est dans The Player de Robert Altman. Mmh. Mais en fait, à ma grande honte, j'ai vu aucun Robert Altman. Mmh. Je sais pas, toi, ça m'a l'air d'être le genre de truc que t'as pu voir. Ben oui, mais Player, non. D'accord. Mais pareil que toi, en fait, Tim Robbins, je connais surtout de nom, en fait, pas mmh. plus que ça en termes de filmo. Alors, il est dans Mission to Mars. Oui, ça, d'accord. Et apparemment, il a un rôle important dans la saison 2 de Castle Rock. D'accord. Si on le fait un jour. Il reprend son rôle d'Andy. Non, non, c'est pas le même rôle. Ça serait rigolo. Ouais, ça aurait été rigolo, mais c'est pas le cas. Et apparemment, lui, il s'est un peu entraîné, enfin, il s'est un peu préparé pour le rôle en allant dans des prisons, en se mettant maître dans des cellules d'isolement, en se faisant enchaîner pour voir un peu ce que ça pouvait faire. D'accord. D'être dans ces conditions. Mais en tout cas, il est très très bon dans... Tout selon quoi je l'ai vu, il est bien, hein, Tim Robbins. Freeman, lui, il a été choisi plus rapidement, visiblement, dans le rôle de Red par la productrice exécutive Liz Glotzer, qui n'avait pas lu la description du personnage que faisait King, parce que techniquement, c'est un Irlandais blanc, oui. héros Red. C'est pour ça qu'il s'appelle Red. Il y a un dialogue à ce sujet-là, d'ailleurs. Pourquoi on t'appelle Red ? Peut-être parce que je suis Irlandais. Oui. Donc, a priori, niveau physique, il y a genre zéro point commun, mais c'est quand même un choix que tout le monde trouve très vite cohérent, très oui. cohérent. Donc, Freeman est pris sans trop de soucis. Et du coup, ils ont gardé la réplique. Peut-être que je suis Irlandais, qui du coup devient rigolote dans le, oui, dans le film. Oui. Parce que tu sens qu'il l'a dit... Genre, je sais pas, et je sors le premier truc qui me vient par la tête. Freeman, lui, c'est un acteur qui se prépare beaucoup moins à ses rôles. Il disait que bah, il voulait jouer un mec normal, donc bah, il a joué un mec normal. Hein, donc, oui. Voilà. Après, sa carrière, on en a déjà parlé, puisqu'on a déjà parlé de Dreamcatcher, on l'a déjà vu. Là, pour situer un peu, il y avait eu Miss Daisy et son chauffeur un peu 7 ans auparavant, à peu ouais, près. C'est ça, à peu près ouais. Et il sortait juste un peu avant, je crois que c'est son précédent film même, d'Impitoyable. Impitoyable, ouais, c'est 92. C'est juste, c'est 92, Impitoyable, je crois. Ah oui, je vais dire ça plus vieux. Non, c'est 92. D'accord. Hein, c'est 98, c'est plus la période sur la route de Madison. Ah oui. Bah, plus je le dis, plus je me rends compte que c'est quand même une super période d'Eastwood. Oui. Et j'ai retrouvé ah. l'autre film où il y a Tim Robbins, c'est Mystic River. Ah, mais oui. C'est lui qui joue bah, le jeune, justement, qui, enfin, l'adulte qui, quand il était jeune, s'est fait violer. Et du coup, de Eastwood. Ouais. Encore une fois. Et qui est oufissime aussi comme film. Voilà. Regardez Mystic River si vous ne l'avez pas vu, c'est un très très grand Eastwood. Ah oui, qui est une adaptation de... C'est le Han, non ? Oui, c'est ça. Il en avait fait une autre, Créance de sang. Créance de sang, après. Mais je me sens c'est plus tard, je crois, Créance de sang. C'est plus tard, mais c'est aussi du même auteur. Ouais, c'est ça. Qui est lui aussi un excellent film. Ouais, c'est ça, en dessous de Mystic River, mais qui est quand même un très bon Eastwood, ouais. Ouais. Les autres rôles, on peut citer le directeur de la prison, Norton, qui est aussi un bon antivirus, qui est joué par Bob Gunton. C'est un acteur pas mal actif à Broadway. Il a joué Sweeney Todd pendant plusieurs années, par exemple. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Donc, à mon avis, bon chanteur, hein, parce que Sweeney Todd, faut le tenir. Ouais. Au cinéma, il a surtout des petits rôles. Nous, on le reverra vraiment rapidement dans Dolores Claiborne. Mm-hmm. Mais sinon, on peut citer Demolition Man, Dead Silence, Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal. On va le croiser tout le temps, Eastwood, aujourd'hui. Autre excellent film, d'ailleurs. Ouais. Un peu oublié, pour le coup. À chaque fois dans des petits rôles. Il a un rôle récurrent dans quelques séries, dans Desperate Housewives, dans la première saison de Daredevil. Faut pas qu'il joue dedans, bon bref. J'ai oublié de noter le nom du perso, je crois que c'est un méchant. Voilà. Et dans 24 heures chrono, dans certaines saisons, pas toutes. Jamais vu 24 heures chrono pour le coup. Ah oui ? Ouais, jamais vu. Ah tiens, j'aurais juré. Ah non. Moi non plus, hein, mais j'aurais juré que c'était le genre de série que dont t'avais vu au moins une partie, tu vois. Bah j'avais peut-être vu le premier ou le deuxième épisode comme ça, mais j'avais pas plus creusé que ça. L'autre ami important, on va dire, d'Andy dans la prison, dans la version film, c'est Haywood, qui est joué par William Sadler. Lui, on en a déjà parlé parce qu'on le retrouve dans les deux autres Darabont. Il a un petit rôle dans La Ligne Verte et il ouais. a un rôle plus important dans The Mist. Le gardien Hadley, qui est la grosse brutasse, le chef des gardiens et la grosse brutasse de service, il est interprété par Clancy Brown, mm. Qui joue Corgan dans Highlander. Je pense que c'est son rôle le plus connu aujourd'hui. Il a une grosse filmographie, mais il est vraiment habitué à des seconds rôles plutôt. Ouais. Alors on peut citer quand même qu'il joue le sergent Zim, donc je crois que c'est le sergent formateur dans Starship Troopers. Oui, c'est ça. Il est aussi dans la dernière saison de Dexter, la toute récente, il joue l'antagoniste. Ah, bah j'ai pas vu. Non, moi non plus. J'ai vu le reste, une bonne partie du reste, mais pas ça. Et après, il a fait pas mal de doublages aussi, mais donc du coup, en France, il va pas être hyper connu, parce que c'est des séries où, bah, quand on les connaît en France, on les connaît en VF, plutôt. Oui. mais il en a fait vraiment beaucoup pour le coup. Le jeune Tommy, donc le petit, celui qui aurait pu aider Andy si on l'avait laissé faire, il est joué par Jill Bellows, c'est son tout début de carrière, un acteur qui a eu un rôle récurrent dans Ally McBeal, d'accord. Mais j'ai pas regardé Ally McBeal. Il joue le conseiller psy du fils de Nicolas Cage dans The Weatherman. D'accord. Du coup, le pédophile dans The Weatherman. Oui, voilà. Un film que je trouve vraiment intéressant, pour le coup. Un film dont on parle pas si souvent que ça, d'ailleurs. Non. Bah non, de Gore Verbinski, donc réalisateur des Pirates des Caraïbes et de La Souris, dont on a déjà parlé. Et The Weatherman, c'est une comédie très noire, avec Nicolas Cage et Michael Caine aussi. Ouais. Et moi, je l'aime vraiment bien, ce film-là. Non, c'est un bon film, mais c'est vrai qu'il est souvent oublié. Et il est un peu malsain, en même temps. Il oui, clairement pas. Il est glauque, en fait. Mmh. Ça fait très frère Cohen, je trouve, dans l'humour, qui donne pas trop envie de rire, en fait. C'est vraiment sympa. Ah, c'est un humour très très noir, oui. Mmh. Et le vieux détenu, dont le rôle est plutôt développé dans le film, oui. Parce qu'il travaille à la bibliothèque de la prison, et c'est lui dont on voit le parcours quand il sort, et pour le coup, lui, donc on le voit sortir et se suicider, en fait, parce qu'il n'arrive pas à se refaire à la vie dehors. James Whitmore, qui a surtout une très grosse carrière ciné dans les années 50 et 60, dans des rôles secondaires, dans plein de films d'époque, surtout de genre. Le titre original a été raccourci. Donc à la base, la nouvelle série Terry Wars, The Shawshank Redemption, ça a été réduit à The Shawshank Redemption, en bonne partie parce qu'en fait, pas mal de monde croyait qu'ils allaient tourner un biopic de Rita Hayworth. Et donc, il y a eu plein de candidatures de jeunes femmes pour Rita. Et apparemment d'acteurs travestis aussi pour Rita. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi pas ? Il y a même visiblement une agente qui a appelé, je crois, directement Darabon et qui disait avoir lu le script avec énormément d'attention et être persuadée que sa cliente serait parfaite dans le rôle de Rita Hayworth. Voilà. Oui, non, du coup, elle n'a pas lu le script. Peut-être pas, j'ai des petits doutes. Ou alors, il y a vraiment eu une première version qui était vachement différente. Le budget est très confortable, 25 millions de dollars. Pour un premier film, c'est plus que bien. Oui. Le production designer, c'est Terrence Marsh qui reviendra dans La Ligne Verte, donc on en a déjà parlé. Le directeur photo, là aussi on a du lourd, même si c'est pas son travail le plus fascinant, je trouve, c'est Roger Deakins. Roger Deakins, c'est la quasi-intégralité des films des frères Cohen, par exemple. Je sais qu'il est pas sur Buster Crugs et je crois qu'il y en a un autre où c'est pas lui, mais quand même 95% des films des frères Cohen, c'est lui. Donc il a fait des travaux superbes là-dedans. Il est sur plusieurs films de Sam Mendes, Jared, Les Noces Rebelles, Skyfall, 1917 et Empire of Light. Donc effectivement, je sens que c'est pas son meilleur travail. Voilà, chez Villeneuve, il a fait Prisoners, Sicario et Blade Runner 2049. Ouais. Il a gagné l'Oscar pour Blade Runner et 1917, et il a été nommé 14 autres fois à l'Oscar, dont pour Les Évadés d'ailleurs. Ah ouais, pour Les Évadés. C'est pas celui où je comprends le mieux. Tu m'aurais dit il aurait été nominé pour tous les Mendes, j'aurais compris déjà. Je crois qu'il est nommé pour quasiment tous les Mendes, pour plein de frères Cohen. Je suis quasiment sûr que pour The Barber, au moins, il est nommé. Ouais. Il doit l'être pour No Country for All Men, sinon il y a un problème. Enfin, il a fait des photos superbes. Moi, j'ai trouvé particulièrement magnifique dernièrement celle de Empire of Light, justement. Oui, que je n'ai pas vu, du coup. Le dernier Mendes. Ouais, qui est... Alors, qui est un très beau film, déjà. C'est vraiment un film très touchant et très juste. Il est sorti quand, au tout début d'année, nous, en début d'année. D'année dernière. Ouais, c'est ça. Donc, il traite d'un cinéma, enfin, de deux employés, surtout d'un cinéma, qui traite pas mal de la question de la ségrégation, parce qu'il y a un des deux employés qui est noir en Angleterre. Et c'est un très, très beau film, pour le coup. Je pense que c'est le Mendes que j'ai préféré avec Away We Go. D'accord. En sachant que, déjà, de base, de mémoire, il n'a pas réalisé un seul mauvais film. De ceux que j'ai vus, j'avais pas vu Jared, par exemple. Elle est très bien, Jared. De ce que j'ai vu de Mendes, ouais, c'est très bien. Les suites, tu peux oublier, hein, mais le premier Jared est très très bon. Les Évadés s'est tourné relativement vite pour un film aussi long, de juin à août 93 dans l'Ohio. C'est pas tourné dans le Maine, alors que ça se passe dans le Maine, à la Ohio State Reformatory, une prison fermée en 1990 pour conditions de vie inhumaines. D'accord. Qui avait déjà été partiellement détruite, et en tout cas partiellement endommagé à l'époque, donc il y a dû y avoir pas mal de de rénovation pour pouvoir trouver, et la destruction a été finie après, je crois, par certaines portions. Donc une très belle prison, hein, ça on peut partir avec, le bâtiment est magnifique. Ils ont tourné dedans vraiment que quelques années après la fermeture. Ouais. L'ambiance devait être lourde. Apparemment, ouais. Mais le bâtiment est bizarre, il fait gothique, il fait un peu vieux château gothique. Hier, en revisionnant du coup le film, hier, je me disais, putain, le décor est vraiment magnifique. Je savais pas qu'ils avaient tourné dans une vraie prison. Le plan en drone, pas du drone parce que ça n'existait pas à l'époque, mais de l'hélico qui ouvre, qui est le premier sur la prison, il est vraiment grandiose. Ouais. Tout n'est pas tourné dans la prison, en partie parce qu'il y avait une partie des bâtiments qui était détruite, et aussi parce que les cellules, c'est petit, une cellule, donc oui. Pour placer une caméra d'époque, c'est compliqué. Donc les cellules ont été refaites en studio. C'était des longues journées de tournage, un peu épuisantes, d'autant que Darabont, qui était peu expérimenté, avait des fois un peu des accrochages avec certains membres de son équipe, ils n'avaient pas forcément tous les gérés. Les deux avec qui il a eu le plus de mal, apparemment, c'est Morgan Freeman, qui trouvait que Darabont empiétait un peu trop sur son travail à lui, d'acteur. Ah, d'accord. Mais bon, visiblement, ils s'en sont sortis au final. Ce qui a peut-être joué, c'est qu'il y a une scène où Freeman, en fait, où Andy lui demande le piolet, justement, enfin le truc à pierre. Ouais. Et il est en train de jouer au baseball en même temps qu'il parle. Et visiblement, comme il y a eu beaucoup de prises, Freeman a dû. C'est un peu luxé l'épaule à force de tourner. Et donc, est revenu le lendemain avec un bras en attelle. Donc effectivement, ça, c'est pas la bonne ambiance quand ça arrive en début de tournage. Et aussi pas mal d'accrochages avec Dickens. Alors Dickens, il était déjà bien expérimenté à l'époque. C'est Tim Robbins qui avait très fortement conseillé qu'on ait un bon directeur photo s'il y avait un réalisateur débutant. Ce qui n'est pas un mauvais conseil. Oui, non, clairement. Darabont, en voyant son décor, il s'est dit « je vais filmer pas mal de plans larges pour profiter du magnifique décor ». Et c'est Dickens qui l'a poussé dans la direction, mais apparemment ça a été un peu compliqué au début. De lui dire non, on filme surtout en serré, on filme surtout de manière à montrer la claustrophobie de la prison, et on fait quelques plans larges, mais qui justement aéreront d'autant plus qu'ils seront assez rares. Donc visiblement, il y a eu des tensions un peu entre eux. Oui, parce qu'ils avaient une vision un peu différente au final sur la réalisation à apporter au début. Ouais. Le temps de tournage limité a nécessité de raccourcir certaines scènes, notamment le début, en fait, la construction en montage alterné du procès et de Andy dans sa voiture, il n'y était pas dans le script original, la scène devait être plus longue, mais ils n'ont pas eu le temps de tout tourner avec entre la femme et son amant, donc ils ont fait comme ça, et au final, Darabont trouve que c'est pour le meilleur. Une scène qui n'est même pas dans le roman non plus, d'ailleurs. Bah, il y a un peu sa scène du procès, quand même, dans le roman. Oui, on la raconte rapidement. Le meurtre n'y est pas, je crois. Il est évoqué seulement rapidement. Je vais lire le meurtre par... Dandy commet. Qui commet pas, du coup. Là où il est dans la voiture, tu vois. Voilà. Non, effectivement, on l'a pas du tout. On l'a juste rapporté au procès, mais on n'a pas la scène telle qu'elle, non. Voilà. Effectivement. Et l'évasion aussi devait être plus longue, contenir plus de plans, et c'est pour ça qu'au final, ils ont terminé par le plan... Ils ont dû raccourcir et qu'ils ont terminé par le plan assez emblématique de Andy sous la pluie. Sous la pluie, ouais. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, le point d'eau dans lequel débarque Andy, ils étaient dans une zone d'agriculture intensive, donc quand ils ont sondé le point d'eau au départ, c'était toxique à mort. Ah. Visiblement, ne pas se baigner sous risque de décès. Ah. Donc ils ont dû assainir l'eau, en partie au moins, avant de tourner la scène. Sans trop dire à Tim Robbins dans quoi il allait se baigner, visiblement. C'est bien, c'est marrant parce que ça va coller avec le prochain épisode qu'on va tourner. Oui, effectivement. On peut faire une liste des changements majeurs par rapport au livre, tant qu'on y est. Donc, il y a le fait que les nombreux gardiens du livre sont condensés en deux principaux, le directeur et le chef des gardiens. Ouais. Parce que sinon, il y a tout un va-et-vient, il y a beaucoup de gardiens évoqués, mais ça, c'est compréhensible, ça fait des personnages plus emblématiques. Oui. La séquence sur Brooks est quasiment totalement ajoutée. Oui. Tommy dans le film se fait tuer. C'était devenu un ami assez proche d'Andy, tandis que dans le livre, ils sont pas si proches que ça et il est transféré dans une autre prison. Il est tué donc sous les ordres du directeur de la prison. Ouais, voilà, c'est ça. Directeur qui lui ne change pas parce qu'il y a un changement de directeur, il y a un turnover dans la nouvelle. Oui, aussi, ouais. Dans la nouvelle aussi, les violeurs d'Andy passent en retrait au bout d'un moment. Ils comprennent qu'Andy est protégé par les gardiens, donc il faut le laisser. Dans le film, il y en a un qui va se faire tabasser jusqu'à devenir paraplégique. Voilà. Globalement, la violence des gardiens est plus spectaculaire dans le film. Oui. Le directeur, à la fin, prend sa retraite, brisé par l'évasion d'Andy dans le livre. Il se suicide dans le film en comprenant qu'Andy, en plus, lui a volé de l'argent et a dévoilé toutes ses fraudes. Voilà. Et le discours de Morgan Freeman à sa libération sur parole, celle qui marche, est ajouté dans le film, même s'il est inspiré de parties de sa narration. Surtout la fin, Andy et Red se retrouvent. Et surtout la fin, effectivement. À la base, Darabont voulait respecter la fin de la nouvelle. En fait, ça se finissait sur le plan en quart qu'on voit s'éloigner, ouais. Et avec la narration qui reprenait les derniers mots de la nouvelle. Et finalement, c'est les producteurs qui se sont dit... On aimerait bien quand même voir ce que ça rend si au moins il y a une vraie réunion. Et donc ils ont dit à Darabont, tu la tournes et tu décides après si tu la laisses. Et Darabont a été influencé déjà par les projections test et aussi par Tim Robbins et Morgan Freeman qui préféraient avec cette fin. Et personnellement, moi, elle me dérange pas du tout. Elle me dérange pas. Je trouve que vraiment l'autre fin m'aurait été aussi, mais je trouve que ça va effectivement, ça se finit sur une belle note. Et puis c'est surtout qu'en fait, on l'a dit, la nouvelle porte tellement le message de l'espoir que même si c'est pas dit, même si c'est pas montré dans la nouvelle, tu sais qu'ils se retrouvent. Finalement. Oui, c'est ça. Même si la nouvelle s'arrête avant, tu sais très bien que ces deux personnages sont destinés à se retrouver. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que le mettre en image dans le film est vraiment pas dérangeant. Oui, voilà, ça, moi je trouve que ça rompt rien. Pour le bah coup. Non, ça ne change même pas le message originel de la nouvelle au final, ça ne fait que l'amplifier, donc tant mieux. La musique est de Thomas Newman, comme celle de La Ligne Verte. Comme celle de La Ligne Verte, je crois, il est nommé à l'Oscar de la meilleure BO, et comme chaque fois, Thomas Newman ne l'a pas. Ouais, alors que là, pareil, la BO de Shawshank qui est vraiment très très bien. Mmh. J'espère qu'il aura sa 16e nomination et son 16e échec cette année. Élémentaire avait une très belle BO. Oui. Il mérite de rater l'Oscar pour ça. Très chouette, Élémentaire, d'ailleurs. Ouais. C'est le moment d'en parler. Effectivement, un très beau Pixar, un peu original, et qui, je trouve, s'en est pris un peu plein la gueule sans que ce soit justifié. Ouais, mais il a réussi à rentrer dans ses frais, finalement, donc plutôt content. Ouais, c'est un beau petit film, plus sobre que la moyenne de Pixar, donc n'hésitez pas à le voir. Ah, puis c'est une vraie comédie romantique, chose que Pixar n'a encore jamais fait. Mmh, c'est vraiment au centre. Donc oui, très belle BO pour Shawshank, assez discrète, assez basée sur le drame, donc surtout cordes, piano, un peu de harpe, voilà. Qui explose dans quelques moments emblématiques, donc l'évasion et la toute fin. Oui, elle est très réussie. Oui, tu vois, autant, je me souviens, j'avais pu reprocher un peu à celle de La Ligne Verte d'être un peu tire-larme par le moment. Mmh. Là, pas du tout. Ouais, elle est mieux que vraiment, elle est beaucoup mieux dosée. Bah, le thème principal est moins basé sur l'émotion que celui de La Ligne Verte, donc il est plus... il fait plus angoissant, enfermé, il transcrit bien la bonne ambiance... Et l'espoir qui prend peu à peu le pas. Oui. C'est intelligemment géré comme BO. La voix off, qui est pas mal présente, en fait, il y avait une première version qui avait été enregistrée en une prise avant le tournage, histoire d'avoir la voix off pour rythmer certains plans du film où elle devait être. Il y a des plans un peu longs où il y a une voix off et où Darabont voulait filmer en l'ayant en tête. Le truc, c'est qu'elle a été enregistrée avec un matériel pas ouf, donc il a fallu la réenregistrer après. Mmh. Et autant la première fois, Freeman avait fait une super prise en une fois, autant apparemment ça a demandé 3 semaines pour tout refaire après coup. Ah, merde. Donc ça a été laborieux à refaire. Voilà. Et du coup, ça rend... Bah, j'allais dire, ça rend bien, mais Freeman a tellement une voix narrateur typique. Ouais, c'est ça. Moi, même moi qui ai du mal avec les voix-off d'habitude, et je critiquerais beaucoup celle d'un autre film qu'on n'a pas encore fait, ouais. Là sur celui-là, ouais, elle marche, faut bien admettre. Freeman, c'est pas pour rien qu'on l'appelle même pour faire de la voix off sur des documentaires, quoi. Ouais, je trouve qu'ils ont un peu le même type de voix pour le coup. Oui. Freeman et son doubleur français, oui, c'est une voix un peu la voix du vieux sage en fait. c'est typiquement ça. Hein. Et puis de toute façon, même en VO, il est souvent appelé quand même pour faire de la narration sur des documentaires. Oui. Et ouais, effectivement, pour le coup, en VF comme en VO, la voix de Freeman. Elle est prenante. Et très très prenante, très très apaisante en fait. Oui, sens voilà. le mec qui a de l'expérience, qui a du vécu derrière lui. Un peu une voix de l'enfance en plus, vu qu'on a vu plein de films avec Freeman probablement quand on était jeune. Bah oui, clairement, oui. Le film a d'abord une sortie limitée aux États-Unis le 23 septembre 1994 et une sortie générale le 14 octobre. Et sa sortie initiale est un échec, puisqu'il rapporte seulement 16 millions pour un budget que je rappelle à 25 millions. Bon, faut admettre qu'en face, le même jour, il y a Pulp Fiction qui sort, auréolé de sa palme. Ouais. Forrest Gump était en plein milieu d'un run glorieux. Ouais. Et il y a Speed qui sort vers la même période. Oui, donc bon, film d'action. C'est la grosse concurrence, on va pas se mentir. Oui, et puis c'est quand même un premier film ouais, adapté d'une nouvelle pas extrêmement connue de King. Qui était encore associé à l'horreur en plus. Quand voilà, même, donc difficile à vendre. Et ça, plus la concurrence, le petit échec est quand même malheureusement compréhensible. Ouais, c'est un film de prison, donc c'est peut-être pas le truc qui attire le plus, hein, aussi, il faut pas se mentir. Et hein, aussi. Ça, on se dit, ça va être cafard. Hein. Qui est, alors que aussi... les films de prison de femmes. On pourrait faire un épisode là-dessus, on en a vu. Mais là, du coup, on est plutôt dans Miss Scorpion, c'est pas la même ambiance. Ah tiens, il est là, le coffret. Ah, le nouveau, enfin, toi. Moi, j'ai l'ancien. Ah, moi, j'ai le nouveau coffret du chat qui fume. Mais du coup, les films de prison de femmes, c'est plutôt les années 70-80. C'est plus du tout les années 90. Ouais, je crois même qu'on est années 60. Oui, aussi. Oui. Mais c'est des très bons films aussi. Hein. Mais Ikokaji, elle est très charismatique aussi. C'est pas le même charisme que Morgan Freeman. Tu sais que je n'avais vu que le premier. Là, je l'ai revu du coup avec le coffret. Et tous les autres épisodes, je vais les découvrir après. J'ai un bon, vraiment bon souvenir des trois premiers, moi. Bah, moi, on m'a toujours dit que le 2 était le mieux. Donc, je verrai ça quand je regarderai. Ouais, j'aime beaucoup le 3 quand même, moi. Ouais. Mais globalement, c'est les bons films, et puis ouais, elle est écrasante de charisme de toute façon. Oui. Non, mais ça, dès le premier. Non, tout ce dans quoi elle a joué. Là. Bref. Voilà. J'ai vu qu'il y a aussi en 4K les Ilsa qui vont ressortir. Tous les Ilsa. Voilà. Selon le prix, ça me fait chier, mais selon le prix, je pourrais les prendre en plus ces trucs-là. Mais j'ai honte de moi-même, tu vois. Ah, j'espère que les parenthèses vous ont manqué. Hein, parce que... Je les demanderai à Noël. Donc, voilà, semi-échec pour le film. Après, il va avoir beaucoup de nominations, en fait, aux Oscars. Il va être nommé, sans en avoir aucun, il va être nommé en meilleur film, meilleur acteur pour Tim Robbins, meilleur scénario adapté, meilleur montage. Mmh. Tout cela, il les perd face à Forrest Gump. Ouais. Meilleure photo qu'il perd face à Légende d'automne. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé des images, effectivement, c'est beau. Mmh, pas vu non plus. Meilleur son qu'il perd face à Speed. Et meilleure musique qu'il perd face au Roi Lion. En règle générale, je préfère Thomas Newman à Zimmer, mais là, quand même, non, c'est justifié. Oui, quand même. C'est carrément justifié. Oui, les musiques du Roi Lion. Mmh. Mais ça va permettre une ressortie, une deuxième sortie aux États-Unis pour que le film fasse 12 millions supplémentaires. Donc là, il rentre dans son budget, et avec l'international, il rapporte... L'international. Oui, il saura le genre humain, effectivement. À l'international, il rapporte 45 millions, dont 219 879 entrées en France, après sa sortie le 1er mars 1995. Donc pareil, pas un succès fulgurant en France. Hein. Les critiques étaient plutôt pas mauvaises, pourtant. Pas dithyrambique, mais pas mauvaise. Oui. Les projos spectateurs, les avant-premières, c'était très très bien passé, par contre. Et c'est sur le marché de domestique, en fait, que le film va devenir un film culte, en étant un des plus loués de l'année 95. Il a un excellent bouche-à-oreille. Les diffusions télé vont faire que c'est un film très très rediffusé, très très demandé, et donc ça devient un classique. L'arbre sous lequel Andy planque sa note à la fin... Visiblement, c'est devenu une sorte de petit lieu de pèlerinage de touristes. Enfin, ah oui. Ça l'est devenu jusqu'à ce qu'il soit frappé par la foudre. Ah. Et le bois a été réutilisé pour une sorte de petit mémorial au film. Donc il y a vraiment un statut très poussé dans le culte. Depuis 2008, c'est le premier film du top 250 d'IMDB des spectateurs. Mmh. Il est particulièrement populaire apparemment auprès des groupes chrétiens. Ah bon ? Son message sur l'espoir. Oui, c'est d'accord. Voilà. Il y a un des bonus de ton édition Blu-ray qui revient là-dessus. D'accord, je pense que ces gens-là ont oublié que l'adorateur de la Bible dans le film, bah, il fraude le fisc, mais bon. Bah, je crois que c'est discuté en quoi c'est plus Andy qui est la vraie figure christique du film. D'accord. Plus que les faux dévots. Alors je pense que tu vas voir un trumpiste ou un mec un peu taré, effectivement, il est du côté du dirlo. Mais... chez la frange, on va dire, recevable de la chrétienté. Plutôt de la chrétienté, parce que c'est plus protestant, je crois, les États-Unis. Ça passe. Apparemment, le film est très populaire. Le christianisme, c'est plutôt chez nous. Ouais. Le catholicisme, c'est plutôt chez nous. Ah, oui. Ils ont pris le protestantisme des Anglais, plutôt. Oui. Les Américains. Les petites guéguerres de religion. Ouais. Le film a 91% de fraîcheur sur IMDb, ce qui techniquement le place 3e derrière 1922 et Carrie. Par contre, si on prend en compte le score d'audience, il est à 98%, donc là il écrase tout. Hein. Donc il y a des gens qui lui... y a plus de gens qui lui ont mis une mauvaise note qu'à 1922 et Carrie. Par contre, les gens qui ont mis une bonne note ont tous mis une excellente note. Oui, voilà. Ça... Et sur Allociné, il est 2e avec 4,5 étoiles. Il est derrière La Ligne Verte. D'accord. Donc bon, Darabon a le peloton, a deux places du peloton à lui tout seul. Et King le place, comme les deux autres Darabon d'ailleurs, dans son top 10 de ses adaptations préférées. Et c'est le film préféré de Michael, de 2 heures de perdu. Il faut l'indiquer. J'ai réécouté l'épisode sur La Ligne Verte, en plus c'est même pas son film préféré, c'est juste un gag dont il sait même plus d'où il vient. Je me doute bien. Mm. Tu sais, Michael n'est pas le Père Noël. Ouais. C'est un épisode très intéressant, surtout si vous êtes intéressé par les habitudes masturbatoires de Michael, pour que c'est le sujet principal de l'épisode que j'ai réécouté hier. Voilà. Et avant de donner notre avis sur le film et d'arriver vers la conclusion, ça sera la dernière fois qu'on parlera de Darabon du coup dans ce podcast. Oui, on a fait les trois, alors à moins qu'il en fasse un. Oui, on a fait les trois adaptations de King, mais du coup, il n'y a qu'un seul de ces films qu'on parlera pas, parce qu'il a tourné que 4 films, c'est Le Majestic, et on peut quand même dire que c'est un excellent film aussi. Ah, je l'ai pas vu, Le Majestic. Ah, il est très très bien. D'accord, avec, bah, si je avec le Jim Carrey, il est très très très très bien. Voilà. D'accord, bah, j'essaierai de choper ça. Ah oui, si tu l'as pas vu, il faut voir. Bah, comme ça, tu auras vu tout le filmo de Darabon qui n'est pas bien longue. Malheureusement. Lui, pour le coup, j'espère qu'il va réussir ses projets autour de King, parce que je trouve il a plutôt réussi son coup à chaque fois, même si The Mist, on en a parlé, je suis moins fan. Oui, t'es moins fan, mais c'est pas non plus une daube. Ouais. Voilà. Lui, je lui souhaite d'en refaire un jour, surtout qu'il a l'air d'en avoir envie, quoi. Donc, bah oui, voilà. Monsieur Hardley, avez-vous confiance en votre femme ? Très amusant. Tu seras encore plus drôle à me sucer la bite quand t'auras plus de temps. Ce que je veux dire, c'est la croyez-vous capable de vous trahir dès que vous avez le dos tourné ? Ça suffit. Écartez-vous, cet enfoiré va avoir un grave accident ! Il va le pousser du haut du toit. Parce que si vous avez confiance en elle, vous pouvez garder vos 35 000 dollars ! Qu'est-ce que tu dis ? 35 000. 35 000. Le tout. Le tout ? Jusqu'au moindre sou. T'as intérêt à t'expliquer mieux. Si vous voulez ne pas payer d'impôts, donnez tout à votre femme. La loi autorise un legs à l'épouse s'il est unique et ne dépasse pas les 60 000 dollars. Quelle connerie ! Sans impôts ! Sans impôts. Pas un sou pour le trésor public. C'est toi le petit banquier qui a assassiné sa femme, n'est-ce pas ? Pourquoi veux-tu que je croie un petit banquier criminel pour finir en prison avec toi ? C'est parfaitement légal. Demandez aux impôts, ils vous diront la même chose. Je suis sans doute ridicule de vous dire ça. Je suis sûr que vous l'auriez su très vite vous-même. Oui, putain, j'ai pas besoin d'un petit banquier qui a tué sa femme pour me dire comment éviter de marcher dans la merde. Bien sûr que non. Mais il vous faut quelqu'un pour monter le dossier fiscal. Et ça vous coûterait un homme de loi, par exemple. Une belle bande de salopards, cela. Je suppose que je pourrais le faire pour vous. Ça vous économiserait un peu de fric. Procurez-vous le formulaire, je vous le préparerai. Ça vous coûtera presque rien. Je vous demande juste 3 bières par personne. Pour chacun de mes compagnons de travail. Compagnons de travail, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Je pense qu'un type qui travaille dehors se sent beaucoup mieux. S'il peut avoir une bouteille de bière, c'est juste mon opinion. Monsieur. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, bande de minus ? Au boulot ! Allez, au boulot ! Et c'est comme ça que c'est arrivé. Jusqu'au dernier jour de ce travail, l'équipe qui goudronnait le toit de l'atelier au printemps 1949 faisait une pause vers les 10 heures du matin pour boire une bonne bière allemande bien fraîche grâce au plus dur de tous les matons qui a dirigé une équipe à la prison de Shawshank. Et bien, en effet, on va pouvoir passer à nos avis, je te laisse y aller. Eh ben écoute, pour un premier film, c'est quand même très très réussi, je pense qu'on peut dire ça. C'est simple, en fait, c'est tout aussi bon que le roman, en apportant des nouvelles choses. Donc, le film est très réussi sur la caractérisation des personnages, déjà sur le casting, on l'a déjà dit, le casting est top. La réalisation, bon, c'est une réalisation à la Darabon, donc elle n'est pas extraordinaire, elle est classique. Mais il y a quand même des moments très réfléchis qui fonctionnent bien et quoi qu'il en soit, elle est propre. À aucun moment tu vas tomber sur un plan dégueulasse ou sur une idée de réal qui pue du derche. C'est solide du début à la fin. C'est juste que il n'y a pas de moment extraordinaire, quoi. Mais après, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Tout est maîtrisé de A à Z, et du coup, on va pouvoir apporter le petit plus, comme on disait, en introduction, c'est-à-dire que Darabont adapte fidèlement, c'est juste que, du coup, il développe surtout des idées qui sont un peu mises en avant dans la nouvelle. Et je trouve que c'est ça qu'il apporte de très bonne manière dans le film. Oui. Il fait le choix aussi, de, pour le coup, de choisir une narration beaucoup plus ouvertement omnisciente, même s'il y a la voix off de Morgan Freeman. Oui. Là, on va avoir des scènes du côté d'Andy, et où on voit ce qu'Andy voit, en fait. Oui, là... Et là où il y avait cette idée de discours rapporté perpétuel dans la nouvelle. Là, pour le coup, le personnage de Reed devient vraiment un narrateur vraiment omniscient, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, Andy est plus clairement le héros dans cette version. Oui. Effectivement, il va développer des thématiques, bah, notamment la scène avec Brooks. Moi, je la trouve vraiment belle. Hein. Alors, c'est laquelle ? Bah, celle, justement, du prisonnier qui sort. Oui. Qu'il développe alors qu'on a juste sa lettre dans la nouvelle, où là, on le voit vraiment à l'extérieur. On voit sa réaction devant ce monde moderne que lui, il a quitté depuis des dizaines et des dizaines d'années. On voit ses réactions au travail, on voit sa réaction devant son nouveau logement tout miteux. Et malheureusement, on voit son passage à l'acte quand il décide de mettre fin à ses jours parce que bah, il n'arrive pas à se relever de la situation, quoi, finalement. Finalement, il aurait... C'est triste, mais il aurait mieux fait de rester en prison. Ouais, même le dernier mot qu'il met, juste pour affirmer, juste pour rappeler qu'il est sorti, voilà. Qu'on s'en souvienne, c'est joli. Oui. Après, dans l'ensemble, des vieux cons qui ne s'adaptent pas au monde moderne, il aurait pu s'abonner à Valeur Actuelle aussi, hein, finalement. Oui, enfin bon. Un mal pour un bien, peut-être. Mais ouais, c'est très beau, et là, bah, pour le coup, ça porte vraiment le discours sur... Bah, le fait que la prison, outre que c'est un système d'exploitation avec tout ce qui se passe à l'intérieur, la prison c'est de la merde. Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui. T'envoies quelqu'un en prison pendant 20 ans, quand bien même on pourrait discuter, il le mérite, il a tué un tel, il a tué du monde. Oui, il y a des gens qui font des trucs horribles, mais la prison ça réhabilitera jamais personne, en fait. Ah, voilà, c'est un problème. Évidemment, tu sors de ça après 20 ans. Tu vas retomber dans la criminalité, soit pour t'en sortir, pour de toute façon t'as rien d'autre, soit pour y retourner. Bah c'est ça. C'est que des gens commettent des crimes, c'est un problème, mais il faut aussi réfléchir à pourquoi ces gens ont commis un crime. Mmh. Et c'est un peu ce que notre société a tendance à oublier, en fait. C'est trouver l'origine qui a causé à tout ça. Bah pourquoi ils l'ont commis, et puis qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Voilà, c'est ça, comment on règle le problème. Parce qu'après, les remettre en liberté, bah, c'est pas la solution. Surtout quand ils ont passé tant de temps à être... Oui, c'est ça. Bah, il faudrait une prison qui réhabilite vraiment, en fait, des centres voilà. Divers, avec une vraie réintégration, où tu puisses garder les gens moins longtemps, déjà, et puis, les remettre en liberté en disant ils sont capables de reprendre vie dans la société sans que la criminalité soit la seule option, en fait. Voilà. Parce qu'après, quand t'écoutes nos amis de la fachosphère... Il faudrait les enfermer dans une prison avec rien, c'est-à-dire juste un lit, pas de télé, pas d'information, mais en fait, s'ils ressortent, ça sera encore pire. Ouais. Puisque du coup, ils auront vraiment zéro repère de tous les changements qu'il y a eu entre-temps. Et quand même, en réalité, il y a beaucoup de prisons, c'est déjà un peu ça, hein, vu la surcharge. Oui, mais justement, ça crée encore plus de problèmes à la sortie, parce qu'on le sait que si t'es à l'isolement pendant, genre, en 10 ans, il s'en passe des choses dans le monde. Tu vois, nous, on s'en rend peut-être pas compte, puisque forcément, on vit au jour le jour, donc les changements... On les subit en final au compte-gouttes. Mais vraiment, si tu passes ta vie, 10 ans, 20 ans de ta vie dans un endroit et que tu vois aucun changement, bah quand tu sors, c'est brutal, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu sors, t'as plus beaucoup d'argent parce que t'avais perdu 10 ans sans rien faire. Voilà. C'est con à dire, hein, mais déjà, quelqu'un qui a un trou de 1 ou 2 ans dans son CV pour retrouver un boulot, on le regarde bizarre. Oui. Quelqu'un qui a un trou de 10 ans et dont on sait qu'il sort de prison, bon, je pense pas que ce soit très dur à deviner. Il a encore moins de chances sur le marché du travail, la réhabilitation, elle est excessivement difficile. Hein. Voilà. Et ce, il y a un truc qui n'est jamais caché, Red ne cache jamais qu'il a fait son crime, que son crime est plutôt brutal, très brutal, et qu'il est coupable, il le nie jamais, il a tué sa femme pour récupérer l'assurance vie. Et le souci c'est qu'il y avait 2 autres personnes dans la voiture, et donc il a tué 3 personnes. Voilà. Donc c'est un assassin, hein. Il avait saccagé les freins, c'est... Lui, il est coupable. Mais c'est quand même un personnage dont on veut nous montrer qu'il est humain. Oui, voilà. Parce qu'il a conscience de ce qu'il a fait. Ouais. Finalement. J'aime bien ce message et effectivement qu'il passe bien à travers, particulièrement à travers cette scène. Ouais, attention hein, qu'on dise pas, qu'on nous fasse pas dire ce qu'on a pas dit. Quand on parle de réhabilitation, on parle de crimes comme ceux de Red. On parle pas des serial killers qui se mettent à buter des mecs sans raison apparente. Oui, bah encore que avec un soin psychologique adapté, il y a peut-être moyen aussi. Hein, oui, mais du coup, ça. Là, c'est oui, mais clairement pas les mêmes circonstances. Oui, hein. Voilà, mais pour le coup, eux, ça passe vraiment par un internement avec un suivi. Ah bah là, oui, à un moment. au bout d'un moment, là, pour ceux. Quand les gens sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, oui. C'est pas l'enfermement en tant que tel que dans toutes circonstances il faut rejeter. C'est. Dans tous les cas, les circonstances d'enfermement, même des personnes comme ça, tu les mets pas juste dans une cellule façon Hannibal Lecter, voilà. sans jamais rien faire, en fait. Voilà, c'est ça. Ça reste des humains, aussi horrible qu'ils soient. C'est ça. Bref. Et puis, bah, du coup, la technique des freins, visiblement, elle est pas terrible. Donc, privilégiez une autre option. Vous avez des assurances vie à récupérer. Donc voilà, oui, effectivement, Darabon, c'est aussi une bonne idée qu'il ait réduit le nombre de persos et qu'il ait condensé, en fait, des persos en quelques figures fortes. Oui, clairement. Il y a autre chose que j'aime beaucoup dans le film, qui est assez discret finalement, c'est la manière plutôt intelligente qu'il a de montrer les ellipses. C'est-à-dire, quand Andy arrive, le mec qui gère la bibliothèque au début, bah, il a juste un oisillon dans la poche. Oui. Et au fur et à mesure que le film avance, bah, le corbeau devient de plus en plus gros. Et ça marque vraiment une avancée dans le temps. Et c'est pareil... À la fin, il dit « Nevermore, nevermore !» Et c'est pareil, quand Andy arrive, bon bah, Red passe devant une commission. En milieu de film, il repasse devant une autre commission. Donc on fait comprendre que 10 années se sont écoulées. Et ça, ça a encore lieu une troisième et dernière fois dans le film. Non, je crois que même ça a encore lieu une troisième fois, puis une quatrième fois. Non, trois fois dans le film. Parce que le film, oui, on n'a pas mentionné cette différence. Le film est un peu plus resserré quand même que la nouvelle. Puisque Andy s'évade au milieu des années 60. Il s'évade juste après l'épisode Tommy. À peu près 10 ans plus tôt que dans la nouvelle. Mmh. Donc voilà, j'aime bien cette manière narrative, vraiment de montrer une avancée, une avancée temporelle en fait. Plus, je trouve ça bien plus malin que juste de mettre un carton avec une indication de bah il s'est passé tant de temps et voilà. Oui, clairement. Et j'aime beaucoup la dernière fois que Red passe devant une commission en mode j'en ai rien à foutre, prenez votre décision. Ouais. Et puis finalement, c'est là que les mecs ils disent ok. Bah c'est la seule fois où ils s'expriment sincèrement au final, parce que les fois d'avant ils récitent les deux fois exactement le même discours. Hein, c'est ça. Dans la première et la deuxième fois. En fait, les premières fois, il agit comme un enfant qui apprend par cœur ses devoirs. Oui, c'est totalement ça. Tout simplement. C'est l'enfant qui passe devant le virelot après avoir tiré les cheveux d'un camarade de classe. Bah ou même juste qui fait un contrôle, qui a appris sa leçon par cœur et qui la récite. Alors qu'en fait, dans le fond, trois jours après, il aura tout oublié. Mmh. Et on voit aussi le passage du temps via le développement de la bibliothèque. Oui. Où va y avoir, à partir du moment où Andy est affecté, où il va y avoir de plus en plus de livres. Mmh. Avec Alexandre Dumas. Ouais, Alexandre Dumas, ça, c'est drôle. J'aime beaucoup le jeu de mots. J'aime bien. La blague aussi est drôle. C'est une évasion de prison, on le met en éducatif. Ah oui. Oui, ça c'est très très drôle. Oui. Et excellent roman aussi, hein. Le Comte de Monte Cristo. On ne conseille pas souvent des romans autres que celui-ci, mais quel bon livre. Bah, Dumas. Hein. Ouais, mais celui-là, c'est peut-être un de mes préférés. Il est quand même grandiose, Monte Cristo. J'aime quand même beaucoup tout le récit des Trois Mousquetaires. Ouais, oui, ce qui est lié la trilogie des Mousquetaires est folle aussi. Mais oui, je trouve qu'il y a une noirceur dans Monte Cristo. En même temps, en fait, c'est très gothique, je trouve, le Comte de Monte Cristo. Oui, totalement. C'est tellement, c'est vrai que c'est le même auteur et c'est tellement différent des Trois Mousquetaires, pourtant. C'est deux ambiances totalement. C'est le jour et la nuit, quoi. Pour le coup, celui-là, je suis curieux de voir l'adaptation, même si ça m'ennuie un peu que ce soit les mêmes adaptateurs que pour. Que pour les derniers Trois Mousquetaires. Que pour les Trois Mousquetaires, que j'ai pas vu, hein, mais j'aime pas ce qu'ils ont fait en dehors. Mais je suis curieux de voir le Comte de Monte Cristo, quand même. Ce qu'ils vont en faire. Ouais. Bah surtout que Pierre Niney peut faire un très bon Dantès. A priori, ce sera lui qui le jouera. Ouais. Et je trouve qu'il peut être vraiment très bon dans le rôle. Bah, dans les Trois Mousquetaires, il y a celui qui s'en tire le mieux, au final, c'est. Dans le rôle de Porthos. C'est Pio Marmaille. Ouais, Pio Marmaille, dans le rôle de Porthos, lui, il le fait bien. Alors après, du coup, la caractérisation des. Comme je te l'ai dit en off, la caractérisation des Mousquetaires n'est pas respectée. C'est-à-dire que bah, Porthos. dans les romans, il a un petit côté très héros herculéen. Mm-hmm. Tu vois, il est très balèze, alors que là, bon... Non, c'est juste un mec lambda, quoi. Bah, les quatre sont assez grandiloquents hein, dans le roman. Oui, ils ont, tout, ils ont, ouais, ils ont tous quelque Aramis chose de particulier. Aramis avec son côté prêtre pervers. Et ça, c'est juste dit dans une seule phrase, dans le film. C'est juste, oui, je sais pas ce qu'il veut faire entre l'armée et les ordres. Ah, c'est le plus chelou des quatre, hein, Aramis, oui. Techniquement, dans les romans. D'ailleurs, ça se sent encore plus dans les deux suites. C'est plus tout à fait un pote, hein, Aramis, dans 20 ans après, le Vicomte. Bah, et puis dans le Vicomte, il devient totalement un homme de foi, pour oui. le coup. Oui, dans le Vicomte, il est totalement passé homme d'église. Bon, voilà. Qui trempe dans des trucs pas nets, hein, mais. Oui. mais homme d'église. Le seul d'ailleurs à survivre à la toute fin. Ouais. À la toute fin du Vicomte de Brangelonne. Et c'est lui qui cause la mort de Porthos. Oui, aussi. Donc, bon, du coup, parenthèse à nouveau, mais lisez la trilogie des Mousquetaires et lisez le Comte de Monte Cristo. Hein. Ce sont de très très bons livres. Oui. Mais donc oui, tout cet enrichissement de la bibliothèque est cool. En séquence ajoutée que j'aime beaucoup, il y a celle de la musique aussi. Quand Andy reçoit des vinyles et qu'il passe le mariage de Figaro. Et qui tient tête au directeur. Qui tient tête au directeur, juste pour offrir un petit moment de grâce aux détenus. Elle est jolie, cette scène. La scène est très belle, ouais. Avec Red qui dit « On comprenait rien, mais c'était joli. » Ouais, c'est ça. En gros... Et effectivement, tout ce qui entoure Tommy est plus développé. Là, vraiment, Andy l'aide à passer son bac, en fait. Ouais. Enfin, l'équivalent du bac. Et donc, il y a beaucoup plus d'enjeux aussi émotionnels autour de Tommy quand il se fait tuer. C'est vraiment un jeune qui, pour le coup, aurait pu se réhabiliter. Et du coup, non, il est abattu. La prison le tue, littéralement. Je vais te dire où j'irai. Ziwa Tanejo. Sinon, quoi ? Zihuatanejo. C'est au Mexique. Une petite ville sur l'océan Pacifique. Tu sais ce que les Mexicains disent du Pacifique ? Non. Ils disent qu'il n'a pas de mémoire. C'est là que je veux vivre le restant de mes jours. Un endroit chaud sans mémoire. J'ouvre un petit hôtel, juste sur la plage. Je me paie un vieux bateau. Je le repeins. J'emmène mes clients à la pêche au gros. Zihuatanejo. J'aurais besoin, dans un endroit de ce genre, d'un type qui sait dégoter certaines choses. Je crois que je suis incapable de faire ça dehors. J'ai passé ici la plus grande partie de ma vie. Je suis un institutionnel maintenant. Comme l'était Brooks. Non, tu te sous-estimes, à mon avis. Je ne le crois pas. Enfin, je veux dire... Ici, c'est vrai que je suis le gars qui dégote certaines choses, mais... Mais dehors, il te suffit de l'annuaire ou pas le jaune. Je saurais même pas où chercher, putain. L'océan Pacifique. Merde. Moi, j'aurais une peur bleue dans un truc aussi grand. Pas moi. La séquence de l'évasion dans le film est plutôt bien. Ouais. Elle rend très très très très chouette. Le passage, justement, où il se fixe, tu sais, sur le bruit du tonnerre. Oui. Pour exploser la canalisation. C'est... La séquence est très jolie en fait, il est dans ce couloir mal éclairé qui tout d'un coup devient très éclairé avec l'éclair, et lui qui attend le moment du tonnerre pour taper, pour fracasser la canalisation au fur et à mesure. La scène est très très bien montée, je trouve. Ouais, non, elle fonctionne bien celle-là. Et puis après, t'as le moment emblématique qui donnera, alors je sais pas si c'est sur l'affiche originale, mais le moment où il se lave, en fait, tout simplement, de tout ce qu'il a vécu, en plus de la crasse. Ouais. Il a eu des canalisations, mais tu comprends la symbolique de « il se lave », de ce qu'il a vécu en prison, avec la pluie battante qui s'abat sur lui. La scène est ultra belle, quoi. Mmh. Ah oui, anecdote que j'ai pas mentionnée. À la base, le film qu'il devait regarder en, Dans la scène où il va demander le poster d'Orita. Ça devait être un film de Billy Wilder qui est évoqué aussi dans la nouvelle. Ouais. Donc Don Ramos avait pas particulièrement réfléchi, il s'était dit bah voilà, on va reprendre le même film, on va pas se faire chier. Sauf que les droits étaient beaucoup trop chers. Ah. Donc Darabon et les producteurs ont demandé au studio qu'est-ce que vous avez comme film qu'on puisse diffuser à ce moment-là, qui soit pas excessivement cher. Et bah, il y avait dans le tas Gilda, et du coup c'est devenu une évidence, il y a Rita Hayworth dans le titre, donc on va mettre Gilda, un film avec Rita Hayworth, son film occulte. Donc c'est ça qui est diffusé pendant la scène de prison, la scène de ciné, dans le film. Qui a une jolie scène ça aussi, avec oui. Tous les détenus qui attendent. Attends, c'est le moment où elle fait un mouvement avec ses cheveux. Mmh. Et puis les voix qui, forcément, ils sont en prison depuis des années, donc la jante féminine commence à leur manquer légèrement. Et dès que l'actrice apparaît, en plus l'actrice est sublime, il faut le reconnaître. Oui. Et dès qu'elle apparaît, qu'elle fait un petit mouvement avec ses cheveux, et tu les sens tous vibrer à ce moment-là, tu vois le visage de Morgan Freeman qui s'illumine avec son grand sourire, la scène est très jolie. Ce que j'ai noté, j'avais pas fait le rapprochement, mais cette idée du cinéma comme truc d'évasion pour les prisonniers, c'est aussi dans la ligne verte. Oui, exact. Parce qu'il y a la toute fin, la dernière chose que demande Café, c'est de voir un film. Oui, exact. Donc, mais ça, pour le coup, il me semble que c'est assez commun dans les prisons aux États-Unis, les films diffusés aux détenus. Oui, je crois que c'est quelque chose qui se fait pas mal. C'est quelque chose qui se fait pas mal chez eux, pour le coup. Alors après, bon, nous, beaucoup de prisons ont la télévision directement dans la cellule, donc le problème ne se pose pas. Nous, c'est autre chose, on a choisi autre chose, quelque chose de mieux, je trouve, mais bon. Quoique, avoir en plus des séances un peu ciné, ça peut être sympa oui, aussi. Oui, c'est sympa aussi. Mais ouais. Donc voilà, un vraiment bon film d'ensemble. Il y a aussi le coup des échecs qui est ajouté dans le film, la relation entre Freeman et Andy. Red et Andy se nouent en partie autour du fait qu'Andy peu à peu lui apprend à jouer aux échecs et sculpte les pièces lui-même. Oui, alors que Red lui fait remarquer, mais tu sais, je peux tout avoir, hein, je pourrais très bien me savoir un vrai plateau, plutôt que de s'emmerder avec ça. C'est un peu son excuse aussi, je sculpte un échiquier pour avoir le petit... Même si pour le coup le film fait un choix, là pour le coup il explicite ça, Andy demande l'outil avant de savoir qu'il peut s'évader. Oui. Parce que c'est en voulant graver son nom sur le mur qu'il se rend compte que le mur est quand même très très friable. Oui, oui. Alors que c'est pas dit clairement, mais tu te doutes que dans le roman, c'est l'idée de base, l'évasion. Bah, dans le roman, t'as vraiment l'ambiguïté quand même. Tu sais, tu peux pas savoir vu que, encore une fois, Red ne sait pas. Oui, clairement. Et que c'est des trucs qui datent d'il y a 30 ans, au moment où il réalise la vérité, il a pas revu Andy. Donc le roman préserve quand même pas mal l'ambiguïté, je trouve. Puis ouais, cette fin, beaucoup. Enfin, qui est aussi plus explicite dans le film, mais comme on l'a dit, ça me paraît totalement cohérent et totalement dans le sens de ce qu'avait écrit King. Donc, c'est ça, en fait. Ça. J'ai pas du tout de problème avec cette fin. Bah, c'est ça. Ça n'insulte en rien l'œuvre originale. Donc, et même au contraire, en fait, j'ai envie de dire. Ça préserve et ça apporte un peu plus d'espoir encore. Donc, oui, c'est ça. Pourquoi pas. Donc... Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à l'analyse d'une petite scène. Ouais, petit comparatif. C'est la fête à la prison. C'est la chouille dans les cellules. Allez, tout le monde fait la fête. Les tolards et les matons. Ce soir, tout le monde est octambule. Eh bien, nous avons choisi une scène plutôt vers le début de la nouvelle, quand Andy, relativement fraîchement arrivé, va voir Red pour lui acheter quelque chose pour la première fois. Donc nous lisons le recueil Différentes saisons édité par le Livre de Poche, traduit par Pierre Alien. Voilà, une lettre près, c'est Pierre Alien quand même. Pardon. Et nous sommes à la page 33. Salut, a-t-il dit. Je m'appelle Andy Dufresne. Il m'a tendu la main et je l'ai serré. Ce n'était pas le genre à perdre du temps en politesse. Il est venu au fait. On m'a dit que tu es celui qui sait comment trouver les choses. J'ai reconnu que je pouvais parfois trouver certains objets. Comment fais-tu ? A demandé Andy. Quelquefois, on dirait que les trucs me tombent dans la main. Inexplicable. sauf peut-être parce que je suis irlandais. Il eut un léger sourire. Je me demande si tu pourrais m'avoir un casse-pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi faire? Andy a eu l'air surpris. Est-ce que l'étude des motivations est incluse dans tes contrats? Avec des mots pareils, j'ai compris pourquoi il avait une réputation de snob, de type qui aime à prendre des airs. Mais j'ai senti une trace d'humour dans sa question. « Je vais te dire, » ai-je répondu. « Si tu voulais une brosse à dents, je ne poserais pas de questions. Je te donnerais un prix. Parce qu'une brosse à dents, vois-tu, est une arme qui n'est pas mortelle. »« Tu as des objections sérieuses contre les armes mortelles ?»« Oui. » Une balle de baseball salement coupée nous est arrivée dessus. Andy s'est retourné comme un chat, l'a attrapée au vol, un geste dont Frank Malzone aurait été fier, et l'a renvoyée d'où elle était venue. D'un petit mouvement du poignet, rapide et sec, l'air facile, mais la société, mine de rien. Je voyais qu'un tas de types nous regardaient du coin de l'œil en faisant leurs affaires. Probablement les gardes en faisaient autant, de leur mirador. Je ne vous dors pas la pilule. Dans toutes les prisons, il y a des tôlards qui ont un certain poids, peut-être 4 ou 5 dans une petite tôle, 2 ou 3 douzaines dans une grande. À Shawshank, j'étais un de ceux-là. Et ce que je penserais d'Andy allait beaucoup compter sur la façon dont il tirerait son temps. Lui aussi le savait, probable, mais il ne faisait pas le malin et ne faisait pas de lèche. Et pour ça, je le respectais. Bon, ça va, je vais te dire ce que c'est et pourquoi j'en ai envie. Un casse-pierre ressemble à une pioche miniature, longue comme ça. Il a écarté les mains d'environ 30 cm et c'est là que j'ai remarqué à quel point il avait les ongles propres. Il y a un pic à un bout et un marteau plat à l'autre. J'en veux un parce que j'aime les pierres. Les pierres, ai-je dit. Accroupis-toi un instant, a-t-il dit. Je ne l'ai pas contrarié. On s'est assis sur nos talons, comme des Indiens. Andy a pris une poignée de terre de la cour et s'est mis à la tamiser entre ses mains si propres. Une fine poussière s'est écoulée et il est resté quelques petits cailloux ternes et ordinaires, sauf un ou deux qui brillaient. Un des premiers était du quartz, et il s'est mis à briller dès qu'on l'a nettoyé. Il avait un bel éclat laiteux. Andy me l'a lancé, après l'avoir frotté, je l'ai attrapé, j'ai dit ce que c'était. « Bien sûr, c'est du quartz », a-t-il dit. « Et regarde, du mica, du shit, du granit, tout ici et un calcaire composite, venu du flanc de la colline qu'ils ont creusé. » Il a jeté les cailloux et s'est essuyé les mains. Je suis un géologue amateur, du moins je l'étais, dans mon ancienne vie. J'aimerais le redevenir, à une échelle réduite. Des sorties du dimanche dans la cour de promenade? Je me suis levé, c'était une idée ridicule, et pourtant, de voir ce petit bout de quartz m'avait fait une drôle de pincement au cœur. Je ne sais pas quoi exactement, tout simplement qu'il évoquait le monde du dehors, je suppose. On ne pense pas à des trucs pareils en rapport avec la cour. Le quartz, c'est quelque chose qu'on ramasse dans un petit ruisseau, dans un torrent. « Mieux vaut avoir des sorties du dimanche ici que pas du tout », a-t-il dit. « Tu pourrais planter un machin comme ce casse-pierre dans le crâne de quelqu'un », ai-je remarqué. « Ici, je n'ai pas d'ennemis. »« Non ?» j'ai souri. « Attends un peu. Si j'ai des ennuis, je peux m'en arranger sans me servir de ça. »« Tu veux peut-être essayer de t'évader, passer sous le mur. » »« Parce que si tu... » il a ri, poliment. 3 semaines plus tard, quand j'ai vu le casse-pierre, j'ai compris pourquoi. « Tu sais, ai-je dit, si quelqu'un te voit avec ça, ils te le prendront. » S'il te voyait avec une cuillère, il te la prendrait. Qu'est-ce que tu vas faire? T'asseoir dans la cour et te mettre à taper sur les cailloux? Oh, je crois pouvoir faire beaucoup mieux que ça. J'ai hoché la tête. La suite de l'histoire ne me regardait pas, en fait. Un type se paye mes services pour lui procurer quelque chose, qu'il puisse ou non le garder, c'est son affaire. Combien ça va chercher, un truc comme ça? Ai-je demandé. Je commençais à apprécier son style sobre et tranquille. Quand on s'est payé 10 ans de vacarme infernal, ce qui était mon cas, on en a sacrément marre des gueulards, des vantards et des frimeurs. Oui, je crois qu'on peut honnêtement dire qu'Andy m'a plu dès le premier jour. 8 $ dans une boutique de minéralogistes, a-t-il dit. Mais je comprends qu'un commerce comme le tien a des frais. 10% de plus, c'est mon tarif. Mais il faut que je prenne un peu plus pour un truc dangereux. Pour le genre de gadget dont tu parles, il faut un peu mieux graisser les pattes pour faire tourner la machine. Disons 10 $. 10, ça va. Je l'ai regardé en souriant un peu. Tu les as, les 10 $? Je les ai, a-t-il répondu tranquillement. Longtemps après, j'ai découvert qu'il en avait plus de 500. Il les avait apportés avec lui. Quand on vous inscrit dans cet hôtel, un des grooms est obligé de vous faire plier en deux pour vous regarder l'intérieur. Mais il y a de la place là-dedans. Et sans vouloir entrer dans les détails, un type vraiment décidé peut s'enfiler pas mal de choses dans les profondeurs. Assez loin pour qu'on n'y voit rien. Sauf si le groom, sur qui vous tombez, est d'humeur à mettre un gant de caoutchouc pour aller prospecter. Ça ira, ai-je dit. Tu dois savoir à quoi tu t'attends si tu te fais prendre avec ce truc. Je suppose que oui. Et... au léger frémissement de ses yeux gris, j'ai vu qu'il savait exactement ce que j'allais lui dire. Comme une lueur, un léger reflet de son humour spécial, ironique. Si tu te fais prendre, tu diras que tu l'as trouvé. C'est à peu près tout. Ils te mettront 3 ou 4 semaines au mitard, En plus, bien sûr, tu perdras ton jouet et tu auras une mauvaise note dans ton dossier. Si tu leur donnes mon nom, nous ne ferons jamais plus affaire ensemble, toi et moi. Pas même pour des lacets de souliers ou un sachet de thé. Et j'enverrai quelques types te casser la gueule. Je n'aime pas la violence, mais tu comprends ma position. Je ne peux pas laisser dire que je ne peux pas me défendre. Autrement, je serais foutu. Oui, je suppose que c'est vrai. Je comprends, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne m'inquiète jamais. Dans un endroit comme celui-ci, cela ne rapporte rien. J'ai des brusques regrets de ne pas avoir demandé un featuring de Quacos pour lire le passage sur les trucs dans le cul. Hein, mais bon. On va maintenant voir la même scène dans le film. Je suis Andy Dufresne. Le banquier qui a tué sa femme. Pourquoi t'as fait ça? Je ne l'ai pas fait, si tu veux le savoir. Tu vas te plaire ici. Tout le monde est innocent, tu sais ça? Et pourquoi t'es là, toi? J'ai rien fait. C'est l'avocat qui m'a baisé. La rumeur dit que t'es un type très froid. Tu crois que tes crottes puent moins que celles des autres. Pas vrai? Toi, qu'est-ce que tu crois? Pour te dire la vérité, j'ai pas encore d'avis. J'ai cru comprendre que tu pouvais fournir certaines choses. C'est vrai que j'égote des trucs de temps en temps, mais ça dépend quoi. J'aimerais que tu me trouves un marteau taille-pierre. Un quoi? Un marteau taille-pierre. C'est quoi et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ben, si tu me demandes une brosse à dents, je pose pas de questions, je donne le prix. Mais il faut dire qu'une brosse à dents n'est pas un objet mortel. Hein? C'est assez juste. Un taille-pierre fait une quinzaine de centimètres de long et ressemble à un pic en miniature. Un pic? Pour les pierres. Les pierres? Ah. Le quartz. Quartz. Le mica. Le schiste. Le calcaire. Et alors? Je suis collectionneur de pierres. Enfin, je l'étais dans mon ancienne vie et j'aimerais l'être à nouveau si possible. Ou peut-être que tu veux enfoncer ce jouet dans la peau de quelqu'un? Non, monsieur. Je n'ai pas d'ennemis ici. Non? Attends un peu. Et s'il y a un problème, je ne me servirai pas du taille-pierre. D'accord? Alors, c'est que tu veux t'évader. Un tunnel sous le mur, peut-être? J'ai loupé quelque chose, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu comprendras quand tu verras un taille-pierre. Ça coûte combien un ustensile de ce genre? 7 dollars chez tous les vendeurs de pierres et de bijoux. Ma commission habituelle est de 20%. Mais c'est une commande spéciale. Le risque augmente, le prix augmente. Je te demanderai 10 dollars pour ça. D'accord pour 10. Très bien. Tu gaspilles ton fric, à mon avis. Pourquoi? Les gens dans cette tôle aiment les inspections surprises. Tu perds ton truc s'ils le trouvent. S'ils te prennent avec, tu ne me connais pas. Tu me parles de moi, nous ne ferons plus jamais affaire. Même pour un lacet ou des chewing-gums, c'est compris? C'est compris. Merci. Monsieur... Red. On m'appelle Red. Red. Pourquoi on t'appelle comme ça? Peut-être parce que je suis irlandais. Très bien, donc ça c'est une scène plutôt adaptée fidèlement, resserrée, mais adaptée fidèlement. Oui. Une différence rigolote, il est plus cher dans le film, oui. Red. Il met 20% de oui. Commission. Il est plus crevard. Ouais. C'est marrant cette petite modification, je sais pas à quoi ça peut être dû. Ouais, non, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont renseignés sur les vrais tarifs des gens comme ça dans les prisons et que c'était plus proche des 20% que des 10 qu'avait Mickey. Hein, peut-être, c'est je sais pas. Donc t'as vu des... Ils avaient peur d'avoir des plaintes. Des plaintes de prisonniers. Vous ruinez mon commerce. Les gens veulent négocier maintenant. Vous faites croire que c'est 10% alors que c'est 20, c'est honteux. Et dans le film aussi, c'est donc plutôt Red qui joue au baseball. Oui. Andy ne rattrape rien du tout. Il reste à côté de lui à le regarder. Mais Red rattrape sacrément bien les balles, effectivement. J'y arriverai pas aussi bien. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, dans la nouvelle, c'est vraiment déjà le fait que ce soit leur première rencontre, et très très vite, on voit que Red, peut-être pas se lie d'amitié directement, mais en tout cas, apporte vite sa confiance au personnage. Oui. Bah, il trouve la demande étrange, la justification peut-être un peu trop improbable pour qu'il le prenne totalement pour un mensonge. Mais il a l'air d'apprécier la franchise de Andy, en tout cas. Ouais. Puis effectivement, ça le fait rire quand il découvre l'objet qui est en effet pas bien grand, hein. C'est un petit machin. Vraiment, c'est. Et du coup, dans le film, il dit bien, mais il me faudra 600 ans pour creuser un trou avec ça. Oui. il appuie pas autant sur la durée que ça prendrait dans la nouvelle. Je crois que c'est évoqué à un moment quand même, ouais, dans la nouvelle, ouais, si. Vers la fin, quand il s'évade, il revient là-dessus, je me souviens. J'aime bien aussi le fait qu'on ait pour la première fois cette évocation de Andy qui a des comportements d'homme libre en évoquant les promenades dans la cour pour ramasser des jolies pierres. Oui, comme quoi il vaut mieux des promenades le dimanche ici que pas du tout. Ouais, c'est ça. Le fait que ce soit une manière de réfléchir qui soit celle d'un homme libre et pas d'un prisonnier, c'est ce qui va caractériser quand même Andy après avec les bibliothèques et avec tout au final. Exact. Et les pierres, ça a beau peut-être être une excuse pour Andy, ça reste quand même quelque chose d'important parce que ça reviendra dans la nouvelle. Le fait qu'il s'est fait des belles pierres, qu'il emporte les plus belles quand il part, celles qu'il préfère, et qu'il en a offert certaines aussi. Il en offre à Red en remerciement pour Retail Wars et pour le piolet. Oui. Il en offre comme ça à plusieurs prisonniers, c'est mentionné. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'important, il y a vraiment l'idée d'un loisir qui prend de l'importance. Eux aussi d'ailleurs dans le film, il y a une scène où ils vont faire du travail à l'extérieur et du coup ils cherchent des pierres à refiler à Andy. Tu t'en souviens ? Dans le film, je crois. Je crois pas qu'elle est dans la nouvelle, ça. Non, justement, j'ai précisé. Oui, dans le film. Et qu'il y en a un qui trouve du crottin. Voilà. Du crottin fossilisé. Un vieux crottin séché. Il y a aussi dans la nouvelle, vu que ça est sur plus de temps, il abîme trop son premier piolet. Et donc il est obligé d'en demander un autre. Et il y a cette petite perception du monde extérieur quand il constate, Andy et lui, Red et lui, que les tarifs ont largement augmenté en 15 ans. Oui. Et que le piolet vaut maintenant à lui tout seul $10 plus la commission. Donc. C'est ça. J'aime bien cette scène, on sent les deux mecs posés, dans le film on sent vraiment les deux mecs posés, ces deux acteurs plutôt calmes. Oui. Robbins et Freeman. Ouais, très vite leur amitié se pose, enfin on sent que ça peut devenir une amitié en tout cas. Oui, clairement, oui. Donc voilà, un moment adapté plutôt fidèlement. Oui, plutôt fidèlement, c'est juste que on inverse les rôles sur certaines actions, ouais, alors la balle rattrapée, et voilà, et c'est tout quoi. Et très bien joué par les deux, donc oui. Ça vous permet de profiter quand même de deux des grosses qualités de ce film. On classe ça ? Bah allons-y. Voici venu le temps des rires et des chants du classement. Et comme d'habitude, nous allons commencer par le classement des livres. C'est moi qui m'y attelle et mon camarade Issam s'occupera de celui des films. Au total, pour les livres et nouvelles d'ailleurs, on devrait rebâtir cette liste écrite et non pas livre. Oui, je corrigerai peut-être ça, effectivement. Nous avons 45 titres, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, j'ai perdu la liste, Cimetière, Ça, Charlie, et La part des ténèbres, alors que les 5 derniers sont La pastorale, L'année du loup-garou, Dr Sleep, Le cinquième quart et Grand chauffeur. En ce qui concerne Shawshank. Shawshank. Pour moi, déjà, ça va facilement dans les 15 premiers. Oui, dans les 15 premiers, largement. Ça va dans les 15 premiers. Mais du coup, j'ai une hésitation pour est-ce que ça va dans les 10 premiers. Les 10 premiers, ouais, pour moi, oui, quand même. Ah ouais, pour toi, ça irait dans les 10 premiers. Ouais, parce que, à la limite, les deux avec lesquels je pourrais avoir une hésitation, c'est les Langoliers et Crapules de bas étage. Mm-hmm. Mais je pense que Shawshank me touche plus, quand même. Parce que moi, en fait, là, mon hésitation, c'est 11e derrière les Langoliers, ou 10e, à la place des Langoliers. Mmh. Pour moi... Oui, c'est avec les Langoliers. Pour moi, la ligne verte, Misery, Cujo, et tous ceux qui sont avant, sont vraiment supérieurs, par contre. J'ai du mal à le voir au-dessus, tu vois. Au-dessus de la ligne verte, moi, ça ne m'aurait pas traumatisé. Ouais. Parce que j'aime bien la manière dont il écrit, vraiment. J'aime bien le message sur l'espoir. Bah, la ligne verte est quand même plus défaitiste. Il est vrai. Oui. Il est vrai. Bon, après, les Langoliers, moi, ça ne me gêne pas. Hein, donc, je veux bien te laisser le mettre derrière les Langoliers. Hein, ça, on est quand même dans des très bonnes places. Parce que les Langoliers, c'est quand même un récit que j'aime beaucoup aussi, quoi. C'est vrai qu'il a un aspect quatrième dimension qui est cool quand même. Ouais. Ouais. Et puis même la conclusion au final des Langoliers, lui aussi, quand même très basée sur l'espoir. Hein. Oui, totalement dans les Langoliers, oui. Parce qu'au final, mis à part le salaud qui s'en sort pas, une grande partie des personnages bons s'en sortent. Mmh. Pour moi, à ouais. À part la petite aveugle. Oui. Pour moi, ouais, en 11e position, ça m'irait bien. Oui, bon allez, 11e derrière les Langoliers, ça me va. Très bien, et donc le classement film maintenant, qui lui, enfin film et toute adaptation aussi, qui voilà. Lui donc en est à 62 œuvres autant que d'épisodes, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg, Misery de Rob Reiner, et aux 5 dernières places, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn de Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, qu'est-ce que c'était nul tous ces trucs-là, bordel. Ah oui, ah, et on souffre. Hein. Et donc, Les Évadés, Les Évadés déjà, si on reprend notre... Barrière originale, c'est clairement au-dessus de Cimetière. Oui. Donc on est clairement, dans tous les cas, au-dessus de la 15e, au-dessus de la 15e place actuelle. Je regarde un peu ce qu'il y a. Pour moi, ouais, je vais pas être dans le même niveau d'admiration du film que le statut qu'il a. Non, que le statut qu'il a auprès du public. Parce que je pense qu'il va avoir une place similaire à... Dans ma tête, il a une place similaire à celle de la nouvelle. Et en fait, en dessous de la ligne verte. Je vais hésiter entre... En dessous, mais peut-être plutôt au-dessus, pour le coup, de la ligne verte. Ouais, moi aussi, je l'aurais mis au-dessus, pour le coup, parce que, quoi qu'il en soit, la ligne verte a quand même des longueurs, je trouve. Bah, il a peut-être un petit peu plus un côté de tire-larme, qui est moins voilà. Présent dans Les Évadés, plus d'ajouts aussi, bienvenus. Donc, il mérite peut-être d'être juste au-dessus de la ligne verte. Je pense que la ligne verte, l'un de ses défauts, c'est limite d'être trop fidèle. Par moment, en même temps, le livre est beaucoup plus long, oui. Donc il y a beaucoup moins besoin de broder. Oui, mais certains trucs auraient peut-être pu être... pour une question de rythme, auraient pu être supprimés ou raccourcis. Ouais. Ou pour une question de grand spectacle, il aurait pu remplacer la souris par un lion, mais... et la chaise électrique par une décapitation. Une adaptation française. Avec Christian Clavier dans le rôle de John Café. La ligne verdâtre. Jeune café au lait. Mon Dieu, quelle horreur ce serait. Et votre jeune café, avec des croissants ou pas? Pardon. Donc ouais, pour moi, ça prendrait la 11e place, dans ce cas-là, à la place de la ligne verte. Donc entre Creepshow et la ligne verte, ouais. Ça me paraît plutôt avisé. Ça me va aussi. Hein. Oui, au-dessus de Creepshow, je le verrais pas, moi. Donc. Non. Donc pour moi, il s'en sert bien là. Ouais, bah, c'est parti. Ouais, et donc pour la... Pas grand-chose à bouleverser le top 10. Hein. Non, là, ça va devenir... Il y en a un ou deux, quand même, qu'on attend. Oui. Qu'on attend bien. Mais donc, pour mémoire, Franck Darabon a donc en film la 11e et la 12e place, actuellement, avec ouais. Les Évadés et la ligne verte. Et The Mist, il me semble la qu'on 30e mis... place pour The Mist, où on avait trouvé un compromis oui. Entre moi qui voulais le mettre... plus bas et toi qui voulais le mettre plus haut. Plus haut. c'est un de ceux où on a dû le plus batailler. Ouais, oui. sans que ce soit. Il y en a un autre, hein, on risque un petit peu de batailler, mais ça sera pareil, ça sera pas non plus à feu et à sang. Et ça sera une adaptation également de différentes saisons. Ouais, si, oui, bah on songe au même. Là, je pense même qu'on risque d'avoir un plus gros écart. Quand même, parce que je l'aime vraiment pas. Mais donc voilà, pour cet épisode de reprise, encore une fois désolé de la pause, on espère que maintenant ça va pouvoir être bien bien régulier. Mais oui, ça sera. Dans tous les cas, là, dans 2 semaines, c'est Creepshow. Oui, Creepshow 2, pardon. Ouais. Donc, dont un des segments est adapté de la nouvelle Le Radeau du recueil Brume. Et ensuite, ce sera le tirage au sort que vous verrez dans le prochain épisode pour savoir ce qui se passera. Yes! Notre actualité, où est-ce qu'on peut nous trouver? Bah sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, @cinémaarchiviste pour toi, @chrislostyle pour moi. Ouais, bah toi tu fais toujours du Twitch avec, avec Ensuga sur The Lost Tales, sur la chaîne. Où je vais peut-être apparaître plus maintenant. J'aimerais bien essayer des trucs sur Fudge, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais il y aura des trucs avec toi, c'est sûr. Bah déjà oui, parce qu'on commence la semaine prochaine l'avant-dernier jeu Sherlock Holmes, parce que le dernier étant sorti il y a pas longtemps, celui avec Lovecraft. On commence Chapter 1 ensemble. Parce que c'est le plus grand des détectives, lui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Hein. Et puis vu que tu es homme-sien, voilà. En tout cas, nous on vous dit à dans deux semaines. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un peu d'œil au Discord. Oui, n'hésitez pas à aller sur le Discord, c'est vrai que j'oublie d'y passer moi-même, mais il faut que je prenne cette habitude aussi. Et n'oubliez pas, le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut!